Salut les rôlistes, sachez que vous pourrez retrouver le podcast de cette session vidéo sur Spotify, PodCloud et Google Podcast, et ça une semaine après sa sortie. Voilà, des bisous. De la lumière traverse actuellement les vitraux de l'église. Nous avons tout un monde réuni ici, dans cette pièce. Toric, Jacquard, Efflux, Lito, Isabella. Mais également Mokosh, en train de s'avancer petit à petit au niveau de l'estrade, où elle va retrouver Abby, qui l'attend, avec une espèce de longue robe blanche dans laquelle elle s'est vêtue. Autour de vous, l'air semble paisible. Vous avez une bonne source, une espèce, quelques petites particules qui volent un petit peu, qui virevoltent au vent, et qui donne une ambiance relativement paisible à l'endroit. Nous sommes en jour heureux, après tout. À côté d'Abby se trouve Lilith, en train de lui tenir la main. Lilith qui, elle-même, arbore un visage angélique et porte à la main un bouquet de fleurs qu'elle a récupéré elle-même. Nous sommes actuellement dans la sacristie rouge de Toulon, bien redécorée. J'aimerais savoir de quoi est-ce que vous discutez. Oh bah j'espère qu'il y aura de la bonne mouffe au vin d'honneur. J'ai toujours su que Abby ferait une bonne mère. Ah bah à partir du moment où elle a cessé d'être une apocalyptique, moi je dis... J'étais le premier à être surpris quand elle nous a annoncé ça. Mokosh, Abby, qu'est-ce que vous vous dites l'une à l'autre ? Non, je suis pris de court là. Techniquement, je suis toujours Mokosh de l'acte 1, donc j'ai sûrement juste la main d'Abby dans la mienne et je parle pas. Je parle avec mes yeux juste. Bah dans ce cas-là, je vais répondre aussi avec un geste. Je vais prendre les fleurs que tient du coup Lilith. C'est bien ça? Ouais, c'est bien, il y a quelque chose. C'est ça. Je prends donc les fleurs de Lilith. Je les tends vers Mokosh et tenant à deux mains, du coup. Et je vais les. Pardon. Je vais les laisser tomber. Et attraper un fusil à pompe, le coller sous ma mâchoire et tirer. Mokosh devant toi. Tel un bouquet de fleurs qui viendrait être jeté en l'air et dont les pétales se disperseraient dans la pièce, tu vois des morceaux du crâne de Abby tomber et lutter contre la pesanteur. Tu te retournes et tu vois Neva, l'émissaire de fer, s'avançant dans ta direction. Derrière elle, Son ombre projetée sur le mur représente celle de l'Homo de Genesis Barghest, que vous aviez combattu. Et c'est alors que Jacquard s'écroule au sol après que sa jambe et son bras ne viennent de disparaître, de tomber, suivi par le bras de Torik qui tente de le fixer inlassablement avec une aiguille et du fil de couture. Comment est-ce que vous réagissez tous ? Mokosh, t'as Lito qui se précipite sur toi, qu'est-ce qu'il te dit ? J'imagine que Lito va sûrement dire « Tu savais que ça allait arriver, ça arrive à chaque fois !» Et qu'est-ce que Mokosh lui répond ? Et je pense que Mokosh va se jeter sur lui et commencer à recréer la scène où elle s'était elle-même occupée d'un des types qui avait abattu Abby sur Lito. Ok. Tu le jettes dessus. Et tu commences à l'attaquer. Autour de toi, pendant ce temps-là, d'un seul coup, t'entends Neva, l'émissaire de fer, hurler. Et en levant la tête, tu la vois être projetée, propulsée au niveau du plafond, mais dans un mouvement relativement étrange. En fait, c'est un peu comme si elle tombait en direction du plafond de l'église. Le plafond de la sacristie rouge qui devient de plus en plus haut. Et tu as presque l'impression de revivre sa propre chute, mais inversée. En rebaissant les yeux, Jacquard se met à brûler. Il prend feu tandis qu'un serpent commence à s'enrouler et à traverser les flammes et à se resserrer au niveau de son cou. Torik, lui, commence à saigner. Une lourde blessure, très grave, puisqu'il se vide actuellement de son sang et réalise qu'il n'a plus assez de soins pour lui, il n'a plus assez de bandages ni rien. Il est en train de s'écrouler par terre. Torik, qu'est-ce que tu dis à Mokosh ? T'es en train de te vider de ton sang, t'es sur le point de mourir. Je lui dis, en regardant dans la direction d'Abby et de Mokosh, tu vois, Jacquard, c'est une très belle cérémonie. Rends-moi ma jambe ! Rends-moi ma jambe ! Je ne vais pas mourir ! J'ai fait tout ça pour vous ! Bande d'ingrats ! Pendant c'est ce moi là... qui vais me marier, c'est pas vous ! Pour cela, vous voyez Flux fracasser un miroir sur la tête de Lilith. Qu'est-ce que tu fais avec les morceaux de verre que t'as entre les mains actuellement ? Je les récupère et chacun, du coup, vu que visiblement j'ai fracassé sur la tête de Lilith, du coup, chacun, je les plante sur Lilith. Très bien. Tu commences à les planter. Pendant ce temps-là, Mokosh est en train un peu de tourner en bourrique. Tandis que les murs et le plafond de la cathédrale commencent à s'écrouler. Mokosh, tu commences à entendre des cris tout autour de toi, comme un écho loin. Et tout autour, lorsque les murs commencent à s'effriter et à tomber, ils sont remplacés par une autre matière écailleuse qui semble tournoyer autour de la sacristie. Et en s'échappant du plafond éventré, apparaît un gigantesque serpent. Les cris se font de plus en plus forts. Et puis d'un seul coup, tout devient de plus en plus palpable. Une espèce d'intense fumée poussiéreuse remplie de débris commence à rentrer dans tes poumons. Tu commences à tousser de plus en plus. Et devant toi, le sol humide d'une cabane. Une substance un peu visqueuse tout autour. et devant toi, la silhouette de Bayou qui s'approche et te recouvre d'une espèce de grande couverture en détournant le regard. Il te dit quelque chose, mais honnêtement, t'y prends même pas attention. Tout autour de toi semble... T'as comme un vombrissement énorme dans les oreilles. La lumière t'aveugle complètement, tandis que t'as du mal à tenir sur tes propres bras, dont les muscles ont l'air d'avoir fondu. La peau également est devenue complètement blanche, comme une personne que l'on aurait privée de lumière du soleil pendant presque un an. Qui sait combien de temps s'est réellement écoulé. Là-dessus, bien loin de tout ce qui se passe, et dans une temporalité peut-être différente, nous retrouvons le reste du groupe. Pour rappel, lors de la dernière session, vous vous étiez rendu, Lito et Flux, négocier avec les GM Ethan, en vous faisant passer pour des... des émissaires envoyés par Bartolomeo, et vous avez réussi à cramer sa couverture. De l'autre côté, Torik et Jakar, vous avez mené toute une enquête qui vous a laissé comprendre que notre très chère Isabella était impliquée dans les récents événements de trafic qui avaient lieu, qu'elle avait l'air d'être au courant et, a priori, de fermer les yeux sur tout ce qui se passait. L'air de l'été 2596 est très chaud. Le soleil vous tape sur le visage. De votre côté, Lito et Flux, avant de repartir, Ismaël vous a imposé un émissaire, une émissaire, qui, dans le sens inverse du vôtre, devra aller prêcher la bonne parole au niveau des anabaptistes, des deux forteresses. Vous êtes actuellement juste à côté de votre calèche, et vous avez la dite émissaire qui se tient juste devant vous. Ah ah ! Bonjour à toutes ! C'est moi, Noxidi. Quel est donc ce silence impétueux face à moi? Je fixe juste l'émissaire de mes trois yeux brillants et je hoche la tête. Nous aussi dit face à toi, tu as ce qu'on appelle un chroniqueur, donc une personne vêtue d'une grande cape et qui porte un masque technologique qui lui donne presque un côté robotique. Ils viennent du nord de la Borka, donc, et qui est l'Allemagne. Bien. Du coup, est-ce qu'il est parti des... Enfin, est-ce que du coup, le chroniqueur fait partie du groupe que je viens de rencontrer, ou est-ce... Eh bien, en effet, pour l'instant, devant toi, tu as ce chroniqueur et un anabaptiste, un vieil anabaptiste, celui que je t'avais envoyé en privé, qui est donc Lito l'anabaptiste et qui est joué donc par Game. D'accord. Du coup, face à mon entrée, qui n'est pas passée inaperçue, mais qui a laissé de marbre mes convives, je reprends mes esprits et mon rythme plus habituel. Et du coup, me présente si le groupe n'a pas déjà entendu de moi dans les contrées d'alentours, du fond des montagnes. Non, je pense pas qu'ils aient entendu parler de toi. Vous êtes quand même assez nombreux pour vous perdre dans le nombre. Du coup, déçu que ma personne ne soit pas rendue audible auprès de cette vague de troupes, du coup je m'introduis auprès d'eux et leur explique mon rôle et la raison explicite de ma venue. Et principalement ça pour l'instant. Comment est-ce que vous réagissez? Vous avez face à vous l'émissaire Jametan qui a l'air somme toute relativement comment est-ce qu'on décrirait ça, qui a un profil beaucoup plus exacerbé, non, je sais pas comment décrire, une personnalité assez haute en couleur en tout cas. Toujours au Périgny, du coup, là, c'est juste Lito et... C'est juste moi et Lito, c'est, on est dans le camp déjà Jametan. Ouais, pour l'instant, il n'y a que Lito et Afflux. J'avoue que moi, de mon côté, j'observe donc l'inconnu, et j'ai un air un peu renfrogné sur le visage, parce que bon, je suis venu là pour dégager les Jametan de chez nous, et on nous... A priori, de ce que j'en comprends, on nous impose des Jametan pour qu'ils viennent. En effet, Ismaël, la dernière condition qu'il vous a donnée lors de la fin de votre entrevue, qu'il a faite tout en souriant, a été de vous envoyer lui-même un émissaire, puisque les Anabaptistes se permettent de rentrer dans le camp de Jametan pour négocier, les Jametan se permettront de rentrer dans les forteresses Anabaptistes pour négocier en retour. Moi, ma réaction est justement de continuer de toute façon ce rôle d'émissaire plutôt neutre. Et donc, je garde plutôt le silence et je m'amuse juste à fixer le plus possible ce Jametan de mes trois yeux. Ok. Non, tandis que je vois effectivement que certaines hostilités ou au mieux une forme d'indifférence s'expriment à l'égard de ma personne, je me rapproche à petits pas du duo d'émissaires, et explique que je viens en paix, je viens dans la perspective de réconcilier l'irréconciliable, et que j'ai été choisi parmi les meilleurs, parmi les pacifistes, mais également celles qui ont du bagou. Je lui tends la main. Du coup, je dresse un sourire des plus somptueux et de ma main entourée d'un grand de velours, je lui serre la main. Noxidi, à votre service. Efflux, tout de même. Lito, on verra. C'est un bon début, je dirais. Et là-dessus, vous vous remettez en route avec probablement la Jametan avec le plus justement, ouais, voilà, de bagou que vous n'ayez jamais rencontré. Mais en même temps, les tribus nomades aussi ont leurs personnages originaux. Et finalement, quand on y pense, est-ce que vous n'êtes vous-même pas des originaux ? En tout cas, c'est peut-être la question que vous allez vous poser sur le trajet du retour. Sous le soleil affreux de cet été 2596, je vais passer une bonne partie du chemin retour pour en arriver directement aux retrouvailles avec le reste du groupe. Nous sommes actuellement au niveau des forteresses de Péripertus et Kéribus. Nous sommes en début de soirée, le temps d'effectuer tout le trajet. Et la fête de l'Adriel, qui avait à ce moment-là lieu, qui était la fête, pour rappel, pour commémorer les morts, s'apprête à enclencher sa deuxième partie. Un petit peu comme certaines fêtes religieuses chez nous pourraient se diviser en plusieurs moments. En tout cas, ici, on a voilà, les premiers jours et les premières soirées de cérémonie où on va brûler quelques effigies. Bientôt on va pouvoir assister au lâcher de vautours, sauf si vous vous y opposez, puisque vous aviez menacé Ismaël, en tout cas vous aviez un arrangement normalement avec ça, à voir si vous avez prévu de le tenir. Et ce soir sera brûlée une dernière effigie beaucoup plus impressionnante, qui est en train d'être construite sur la place principale, puisqu'il s'agit d'une effigie d'Homo de Genesis. Donc vous avez une figure monstrueuse qui fait bien 3-4 mètres de haut, qui est fabriqué à partir de vieux tissus, de foin, de branchages récoltés. De quoi est-ce que vous avez discuté durant le trajet de votre côté Lito, Flux et Noxidi? Je vous laisse commencer. Moi, j'avoue, je vais petit à petit laisser craquer mon rôle d'émissaire parce que Flux est toujours très adorateur de tout ce qui est GM et Dan et ce genre de choses. Du coup, on va quand même essayer de, bah, d'en savoir un peu plus, mais juste des petites questions sur le mode de vie, ce genre de choses, toujours dans l'idée de, d'en apprendre un peu plus sur une culture. En ce qui me concerne, bah, du coup, j'aurais eu l'occasion de quelque peu décevoir peut-être Flux, dans la mesure où, bien qu'étant effectivement de la du clan des Jamethan, j'ai, disons, eu quelques pertes de mémoire dues à des chocs relativement violents. Ce faisant, à partir de ces chocs, j'ai, disons, développé une personnalité un peu inhabituelle pour le camp. Et c'est à partir de là, d'ailleurs, que mon ancienne vie a un peu été effacée et que, visiblement, j'ai été réorienté vers les voies de l'oration et de la représentation. Et donc, j'ai une présence qui reste assez approximative, mais qui est finalement appréciée par mon camp du fait, justement, que je ne puisse pas trop en dire ou que je sois négociatrice, mais en même temps assez discrète à certains égards. Et du coup, tu ne pourrais rien dire sur ce que tu sais, mais par contre, tu pourrais dire beaucoup de choses sur ce que tu apprends. Tout à fait, je suis tout à fait dans la perspective de communication, de créer un lien et des conditions favorables à l'échange mutuel. T'entends ça, Lito? Tu pourrais tout dire. Oui. Et dans cet échange mutuel, qu'est-ce que tu viens négocier? Eh bien, moi, plus que des termes de négociation, je ne veux pas simplement faire la bonne vendeuse, non. Moi, je suis là pour avoir en tout une vision, vendre un monde où nous vivrons vraiment, peut-être pas unis main dans la main, puisque c'est quelque peu utopiste, mais du moins, vivre dans une paix qui permette à chacun et chacune d'exprimer ce qui fait sa diversité. Et ça, je pense que c'est vers quoi nous devons tendre ensemble. Ça risque d'être une très longue discussion. Bien justement, c'est parce que cette discussion est longue que j'ai pu être recevoir tous les honneurs d'exercer cette fonction qui va certainement m'occuper pour une durée indéterminée et donc qui m'apportera nombre d'enrichissements. Et c'est pourquoi je suis prête à vous m'ouvrir à votre vision, à votre rapport unique à toutes ces cultures et à ce monde fait de surprises. Mmh. Et ce n'est pas moi qui vais décider des termes, mais je pense que je peux deviner ce qui sera dit par Isabella et ce genre de choses. Votre monde de diversité, ce sera vous rester dans vos montagnes et nous restons chez nous. Ça me semble tout à fait encourageant. C'est en quelque sorte une forme de complémentarité entre les différents éléments qui composent notre nature. Donc, je suis tout à fait enthousiaste à l'idée de rencontrer ce très cher Isabella. Je suis sûr qu'elle sera très enthousiaste aussi. Et là-dessus, vous continuez le trajet, vous allez discuter de plein de choses. Visiblement, le courant passe mieux entre Flux et Noxidi, et peut-être un tout petit peu moins du côté de Lito. En même temps, peut-être que cela est lié avec le fait qu'il ait fait la guerre avec les Jamethan pendant probablement 15 ans, il y a de cela 5 à 10 ans. Donc finalement, on a un gros ratio combat, pour peu de ratio la paix a eu lieu, en termes de proportion. Mais malgré tout, vous savez être civilisé. Et aujourd'hui, en 2596, les Jamethan et les... Et les anabaptistes ont coutume, il peut arriver, en tout cas, qu'ils fassent trajet ensemble sans s'étriper. De toute façon, vous l'aviez déjà fait. Vous arrivez finalement au niveau des dites forteresses, enfin même d'ailleurs, je l'avais décrit parce qu'on était en train de jouer finalement un flashback, donc où vous êtes au niveau des dites forteresses, où vous retrouvez Torik et Jakar. Du coup, Noxidi, de ton côté, tu aperçois deux nouveaux membres de culte. Est-ce que je vous laisse vous présenter, peut-être? Ah, Flux. Et puis, Lito, vous avez fait une prisonnière, à ce que je vois. Très bonne idée. Cet otage va nous être fort utile. Ce n'est pas un otage, Jacquard, malheureusement. C'est une émissaire. Ah ah, bonjour, très cher. Je vois que vous êtes regorgé d'imagination quant à ma présence, et j'en suis vraiment fort aise que ma présence soit reconnue parmi nous. Effectivement, je ne suis pas venu m'offrir à vous dans ce sens, mais je suis prête à pouvoir vous donner tout ce que je peux pour ensemble créer un monde meilleur. Est-ce qu'elle a dit ? Elle parle beaucoup. Je suis agréablement surpris de voir que parmi les Giamethan, il y a des gens qui ont le verbiage aussi développé. Je n'avais pas eu cette chance auparavant. Eh bien, je vous sais vraiment gré de tous ces compliments qui me touchent très profondément. Je ne vais bien sûr pas vous refaire toute l'histoire de mon existence et de ma place au sein des Giamethan, mais en tout cas, effectivement, cette qualité qui est mienne est particulièrement appréciée et fait de moi une personne un peu unique en son genre qui, d'un côté, est vraiment tout à fait à cœur de porter cette culture Giamethan, mais je n'ai pas une aussi bonne appréhension, je sais pas, autant une indigène finalement de cette culture que mes très chers confrères et consœurs. Donc, je suis un peu une entre-deux, voyez-vous. Je vois. En tout cas, ravi de faire votre connaissance. Moi, c'est Torik, et comme vous pouvez le voir, je suis un hospitalier. Je te laisse te décrire et expliquer ce qu'est un hospitalier. Alors, je suis donc dans une tenue, on va dire, assez immaculée, parce que c'est une combinaison blanche avec quelques endroits où assez noir, par exemple aux épaules ou les coudes, tout ça. Mais bon, clairement, c'est une combinaison limite un peu de décontamination, hein, faut le voir comme ça, très serré sur le corps. Je n'ai pas de pilosité du tout. Je suis rasé de partout, même les sourcils, tout en fait. Voilà, parce que en fait, mon culte, donc c'est ce sont des médecins. Et pour la grande majorité, hein, après les autres, on n'en parlera pas. Mais en gros, voilà, on a le culte de la propreté. Donc on se lave extérieurement et intérieurement également, puisque à chaque fois qu'on se retrouve dans nos enceintes, nous faisons des lavements complets avec des purges pour être parfaitement propre de partout. Donc c'est pour ça qu'on, de temps à autre, je suis un petit peu tatillon sur la propreté. Mais voilà, donc tu me vois aussi avec une espèce de lance, et au bout de cette lance, il y a une espèce de bocal avec une chose qui baigne dans un liquide, un truc visqueux, tout gélatineux, ce qu'on appelle un mollusque, et qui me sert du coup à détecter tout ce qui est à trait à la spore. Au sport et alors pas le sport les sports eux qui peuvent engendrer des homo de Genesis, donc qui sont les méchants pas beaux de notre monde et que je combats, moi et mes frères. Voilà. Eh bien, je vous remercie grandement de tout ce bouillon de culture que vous venez de me partager, et vraiment, je partage de tout cœur avec vous ce souhait de purifier, de vraiment laver toute forme d'impureté, et de promouvoir ensemble vraiment un monde qui soit blanc comme neige. Néant. Donc j'espère en fait que nous pourrions vraiment avoir de grandes aventures ensemble. Après, en ce qui concerne ces ennemis, ou du moins les gens avec qui vous semblez avoir quelques différends, est-ce que vous sauriez un peu plus me dire en quoi ils sont potentiellement un frein à notre volonté de créer une entente ? Bah, disons que il corrompt un peu la nature humaine. Ça crée chez l'homme des mutations, des anomalies de la nature, avec des gens qui vont avoir des pouvoirs entre guillemets un peu hors normes, et qui vont développer finalement une, alors selon moi, hein, bien sûr, hein, une bestialité et un goût de la tuerie, hein. Ils vont littéralement tuer tout ce qui n'est pas comme eux. Et du coup, notre rôle, hein, en tant qu'hospitalier, est de protéger le monde et les gens de ces anomalies et des dérives qui vont avec, puisque... eh bien, les gens, certaines personnes, bon, il y en a un petit peu par ici, mais ça, enfin, pas dans le groupe actuellement, ou du moins je ne pense pas, en regardant Jacquard avec un air sceptique, qui consomment ce que l'on appelle des bourgeons et qui, du coup, sont des dérivés de cette spore. Et que au fur et à mesure de consommer de trop ces bourgeons, eh bien, on développe bien des espèces de mutations à trop grande quantité et qui vont amener du coup ces anomalies. Et donc, dès que je vois ça, mon mollusque se met à bouger dans tous les sens si il détecte beaucoup de ces spores. Eh bien, du coup, je dois agir. En fonction, donc soit essayer de guérir la personne si je le peux, et là si je ne le peux pas, et eh bien mon rôle est de l'éliminer. Ouais, c'est tout à fait instructif et bon à savoir. Et n'a-t-on pas moyen en quelque sorte de procéder à une forme d'assimilation, de pouvoir profiter de leur diversité, de ce qui les rend vraiment uniques en termes de pouvoir, et de pouvoir ensemble peut-être mettre de côté certains éléments gênants, certains éléments qui entravent notre vie commune, mais en garder seulement le positif, assimiler ceux qui veulent réellement être des nôtres. Non, pas toutes les... Malheureusement, j'ai bien peur que une fois avoir atteint un stade très élevé, ils perdent toute humanité et ils perdent complètement des notions ils ne sont plus humains. Honnêtement, ce ne sont plus des humains. Ils deviennent quasiment des animaux sauvages. Et si on ne fait pas exactement ce qu'il faut selon leur volonté, eh bien, ils trucident, ils découpent, ils tuent, ils... Enfin, et que sais-je encore, hein, nous avons déjà affronté par le passé certains de leurs congénères. Et comme vous pouvez le voir sur Jacquard et sur moi, certaines parties de nos corps sont manquantes. Hein. Ce n'est pas faute d'avoir essayé de calmer la chose, mais comme vous pouvez vous en rendre compte, le dialogue n'a pas été très productif. J'entends tout à fait, et vraiment... J'applaudis vraiment votre profession et tout ce que vous permettez à notre belle nation commune de mettre de côté effectivement ce qui ne peut pas être parmi nous. Parce que parfois, il faut savoir se séparer des poids pour avancer mieux et ensemble. Eh bien, je ne peux qu'être d'accord avec vos paroles. Je regarde Lito et Flux et je dis, oui, écoutez... Je suis ravi que vous ayez rencontré cet émissaire. Je suis agréablement surpris. Écoutez, je serais ravi de pouvoir continuer à converser avec vous. Je mets une petite tape à l'épaule de Torik et je lui dis « N'oublie pas pourquoi elle est venue. » Ouais. Bon, bah, en tout cas, salutations, l'intello des sauvageons. Moi, c'est Jacquard Gettysburg, ok ? Et tu m'appelleras le juge. Donc, sache que je t'ai à l'œil. Alors, si tu t'avises de voler quoi que ce soit ici, ou de faire quoi que ce soit il ne respecte pas la loi de ce château ou de cette forteresse, eh bien tu en paieras le prix. Est-ce que je me suis bien fait comprendre ? Oui, monsieur le juge, j'en ai parfaitement pris conscience et j'essaierai d'être la plus respectueuse de ce qui vous tient à cœur. Ouais, c'est très bien. Alors du coup, le bonhomme qui te dit ça, c'est un grand gaillard, voilà, qui porte un espèce de trench, c'est un grand manteau gris, un peu à la détective, enfin ce genre de choses, bon, bien sûr plein de trous complètement sales et dégueulasses, qui porte un chapeau de cowboy, une paire de lunettes de soleil, qui a le visage visiblement, et même quand on regarde un petit peu à l'intérieur de son trench, le corps complètement brûlé, mais des énormes brûlures, des énormes, comment ça s'appelle, stigmates vraiment qui donnent l'impression qu'on l'a vraiment mis sur un barbecue, sûrement sur la moitié de son corps. Et du moins, sur son visage, on peut observer sur l'autre moitié, qui elle n'est pas brûlée, un énorme tatouage de serpent qui prend bien la moitié de son visage. Voilà. Et donc, à sa main, tu vois une énorme masse, un gros marteau, et un livre qui semble relié d'une manière assez spécifique. Enfin, tu vois des petits picots en métal un peu partout. Hein. Et si jamais, par le plus grand des hasards, la tribu des Jametan apprend à lire, tu peux lire sur ce livre Codex. Après avoir fait connaissance des différents membres du groupe, donc je m'incline en faisant une légère courbette et montre ma volonté véritablement d'en savoir plus, tout en étant à moitié consciente de ne pas tout saisir, de ne pas avoir tout le fin mot, mais le sourire que j'esquisse tente de masquer les quelques questionnements qui émergent. Très bien. Là-dessus, que faites-vous ? Je pense qu'il faudrait qu'on vous parle deux secondes, mais une affaire personnelle. Oui. D'accord. Tout de suite. On revient. Exactement. Hein. Tout de suite, hein, on revient. Bon. J'ai une bonne et j'ai une mauvaise nouvelle. Bien. Pas laquelle ? Commençons par la bonne. On a trouvé le démiurge. Ne va pas si vite, hein. Ne va pas si vite. Il y en avait deux. Ne va pas si vite. Okay. Ça tombe bien, nous aussi on en a trouvé un, mais. Ouais, bah quoi ça. Ah, ça aussi c'est un démiurge ? Non, pas ça. Ah, d'accord, ok, bon. Ah, du coup, la mauvaise nouvelle, c'est qu'on va devoir renverser Isabella. Pardon ? Ouais. Elle trafique de la drogue. Bon, ça, elle trafique de la drogue. Elle revend des huiles. Non, mais ça n'a pas de sens. D'autant plus que. Pourquoi elle aurait demandé elle-même qu'on enquête sur elle-même ? Ah bah je sais pas, par contre, le petit dealer qu'on a fracassé... Je pense que ça va pas être la bonne piste. Enfin, genre, peut-être qu'elle trafique quelque chose, effectivement, mais à mon avis, c'était pas ça qu'elle voulait qu'on trouve. Bah oui, mais... Retrouvé autre chose, nous. D'huile élysienne, je suis désolé. Hein. Alors, elle protège le crime dans ses murs, quoi. C'est... Pour c'est moi, elle oui, est... Non, pour moi, bon. elle laisse... Ce trafic se fait hein, sans plus. Non, il a bien parlé de protection. Oui, mais je pense que, alors déjà, il est vrai qu'elle n'a plus toute sa tête, mais je pense que il y a une idée derrière cela, et selon moi, ça rejoindrait un petit peu ce qu'on a vu dans les textes. Avec ce fameux Comment ça? Eh bien, par le passé, c'est quelque chose qui a été déjà fait pour essayer de démasquer justement le démiurge, les brebis galeuses, en gros. En sachant que, eh bien, grâce à l'huile élysienne qui circulait, eh bien, il pouvait, par le passé, déceler ceux qui en utilisaient trop de peur de finir brûlés. Puisque ceux qui étaient atteints par les déviances, en gros, étaient brûlés par leur divinité. Non mais d'accord, Torik, non mais soyons un peu concrets. On a une espèce de folle qui nous demande de prendre d'assaut des navires, de faire... Non mais oui, à un moment, T'as vu comment elle nous regarde depuis les remparts quand on se bat? T'as vu comment elle nous regarde? Elle veut notre mort, je te le dis. Et puis en plus... C'est ton explication farfelue pour excuser un trafic d'huile ZN qui donc du vol, du recel, du trafic. Excuse-moi, mais clairement, on est face à une dirigeante complètement corrompue. Et moi, je pense que Bartholoméo, de ce qu'on en a vu, serait un bien meilleur candidat pour diriger ces forteresses. Alors, je ne suis pas aussi. Je n'irai pas dans le même sens que Jacquard, hein, sachez-le. Je ne pense pas. Qu'on soit sur la même longueur d'onde. Personnellement, si je devais mettre le discrédit sur une personne, mais ça n'engage que moi, ce serait Bartholoméo. Je pense que cette personne est plus louche, on va dire, que qu'elle. La preuve que c'est une trafiquante. Ok, Lito, tu peux expliquer ce qu'on a vu? Oui. Pour commencer, est-ce que vous avez vu l'état de nos bases à Toulon? Ça ne vaut rien. Et vous venez, et toi, Jacquard, ensuite tu viens pour critiquer tout le travail qu'a fait Isabella. Elle tient toutes ses forteresses sur pied. Secondement, Bartholoméo est un traître, il travaille avec les Jametan. Voilà. Ok, d'accord. C'est compris. Il va falloir maintenant éliminer Bartholoméo. Inévitable. J'avais raison. Et avec un. D'ailleurs. Plus jamais, je ne voudrais pas toi, Torik. Je suis désolé. Faire en sorte que la forteresse surveille du coup tout ce qui est en voie d'oiseaux et ce genre de choses, parce qu'ils communiquent par des oiseaux qui font des trajets avec des petits messages au bord de la. Et Isabella, c'est une génie, elle a mis en place ce trafic. Évidemment. Pour dénicher les gens qui sont des traîtres. Voilà. Exactement. Pour ce qui est de notre nouvel ami que nous avons laissé de l'autre côté de la porte, elle n'est pas au courant des véritables raisons de notre venue dans le camp des Jametan. Donc elle ne sait pas que nous ne venions pas de la part de Bartholoméo, parce que c'est ainsi que nous sommes présentés. Elle ne sait pas que nous allons sûrement faire brûler vif son contact dans cette forteresse. Elle est officiellement venue pour continuer des accords de paix, mais en réalité, j'imagine espionner plus que ça, amener le chaos par chez nous, lancer une nouvelle étape du plan qu'ils avaient mis en place avec Bartholoméo. Il faudra juste s'en occuper qu'une fois qu'on fera en sorte qu'il n'y a vraiment plus aucune transmission d'informations au niveau du coup déjà Jametan, parce que sinon sinon ça va être ta merde et on aurait fait tout ce trajet pour rien et toute cette enquête pour rien. Donc voilà, on va faire en sorte quand même de ne pas tout gâcher et on ne peut, ouais. peut pas la tuer, sinon ce serait un acte de guerre, j'imagine, avec les Jametan. Exactement. Faites-moi des tests de perception. Est-ce qu'elle peut mourir en tombant dans les escaliers? Ce serait sûrement à éviter, parce que vu la manière dont ils nous considéraient, même en tant qu'envoyés de leurs grands amis, ils ont envie d'en découdre. Ce sera seulement une réussite pour moi. Ok, la difficulté de 3 réussites. Oh punaise. Une réussite, un échec critique. Oh bah, ce sera 2 réussites pour moi. Mm-hmm. C'est nul en perception. 3 réussites, dont un déclencheur. Ah. Finalement, ça passe. Grâce à Deathlog. Au moment où tu parles, Flux, tu lèves la tête tu parles de couper les moyens de communication et tu vois voler au vent les mêmes oiseaux, les mêmes pigeons que vous aviez vus là-bas. Ceux qui avaient porté les mots que vous aviez récupérés. Maintenant. Normalement, ils n'ont pas don de la parole, ils ne peuvent pas répéter ce qu'on vient de dire. Normalement. C'est pas ça qui inquiète. Je vous entendais plus que vous pourriez, si vous le souhaitiez, aller. Voilà. Bon. Oui, non, mais je sais, mais il y a l'idée qui m'a traversé l'esprit, oui. Parce que ma cadavre est sur le droit. Elle est très belle aussi, mais elle est déjà méthane, même si c'est vrai qu'ils flirtent parfois avec le surnaturel, a priori se transformer en pigeon, c'est pas encore dans leur capacité. Oui, ou à faire apprendre à des pigeons à répéter des mots, et ça me fait très peur. Bon, bref, quoi qu'il en soit, du coup, bah, je visualise ça et j'insiste du coup sur l'idée que. Tandis que Jacquard se fait agresser par un chien qu'il n'avait pas vu, il a fait un échec. Je me dis, ah, c'est bizarre, il y a des chiens au campement. C'est les Gendos de l'arène, ils sont de retour. Non, lâche ma jambe. Pas encore. Là-dessus, vous êtes. À un moment où vous relevez un peu la tête, vous êtes entre vous. Vous êtes encerclés, cette fois-ci tous les cinq. Noxiedi, tu rejoins à nouveau le groupe. Pas un groupe d'hommes armés, ce sont simplement les gardes de la ville, les orgastiques. Bartholoméo vous demande si vous voulez bien nous suivre. Je vous dis leur chef, en tout cas ce qui semble être le plus haut gradé, un anabaptiste avec trois boucliers tatoués sur le front et avec une espèce de grosse moustache. Qui ensuite commence à disparaître, enfin à se retourner et à du coup à avancer. Vous suivez ce dernier et vous allez vous déplacer dans cette ambiance de forteresse. Vous passez au niveau des petites maisons, vous voyez tout le peuple sorti, puisque du coup ils sont là pour fêter l'Adriel, donc une fête religieuse réputée. Et vous voyez d'ailleurs qu'ils s'apprêtent à brûler l'égérie de l'Homo de Genesis. Malheureusement, vous ne serez peut-être pas là pour le voir, vous ne savez pas. Vous arrivez au niveau donc de la première forteresse, celle de Kerebus, puisque c'est là que vous avez été fait demander. Tous les cinq. Enfin, techniquement tous les quatre, mais on ne laisse pas un Jametan se déplacer en bon vouloir. Ils ont compris que... D'où est-ce qu'il veut. Vous entrez dans la première forteresse, où vous voyez tout le monde affairé à différentes affaires. Bartholoméo, lui, est en train de crier au loin. Il a l'air d'être énervé, il gueule assez fort et sa voix résonne contre l'un de ses soldats, tout simplement, l'un de ses fureurs. Suivi de quoi, il vous aperçoit, escorté par ses gardes personnels. À ce moment-là, il soupire un petit peu et son visage a l'air d'aller un petit peu mieux. Et du haut des marches qui vous séparent de son espèce de trône, tout simplement, il vous salue. Alors, est-ce que votre mission a été efficace? Vous avez été envoyé par Isabella, c'est bien ça? Et vous nous avez ramené une Géamétane, ma parole. A priori, oui. Coucou. Il sourit presque. Excusez-moi de m'être emporté. Les choses sont assez compliquées en ce moment, assez tendues. Bon. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Te dit-il Noxiedi en te regardant. Vous êtes envoyé par Ismaël? Tout en faisant un grand geste de la main pour vraiment accompagner mes paroles. Donc je l'explique. Eh bien... Tout à fait, j'ai été nommé récemment l'émissaire. Du coup, on m'a dit effectivement de venir... Enfin, pour entrer après, pour être totalement honnête avec vous, j'ai entendu votre nom, mais je... Comment dire? Je vous connais à moitié, c'est-à-dire que votre nom circule, effectivement, mais je sais pas... Donc vous êtes qui, en fait, un peu, en quelque sorte? Je suis Bartholoméo. C'est moi qui dirige la forteresse de Kerebus. Tandis que celle par laquelle vous êtes passé un tout petit peu plus tôt, Perepertus, est dirigée par Isabella. C'est probablement elle dont vous avez dû le plus entendre parler. Elle est officiellement plus haut gradée. Du coup... Appelez-moi Bartholoméo. Du coup, après avoir entendu sa explication, d'accord, excusez-moi de mon impétuosité et je vous remercie en tant que frère de la même culture. Et donc, je lui fais une sorte d'accolade, voilà, en passant une accolade bien franche. Voilà. Puis après ça, en voyant quand même un certain air gêné, je suppose en retirant ma tête, je lui passe la main sur l'épaule comme une petite tape fraternelle, puis me recule, et ensuite elle me retourne vers le reste du groupe en faisant un grand sourire. Tu vois qu'il sait pas trop comment se mettre, vous avez les gens autour de vous qui vous regardent super bizarrement, tout le monde arrête de faire ce qu'il est en train de faire, et vous dit simplement suivez-moi. Et vous vous dirigez vers sa salle personnelle, un peu la salle de stratégie militaire, d'où est-ce qu'il gère ses affaires. Vous êtes tous réunis à l'intérieur. À ce moment-là, il vous regarde, vous le savez, bon, les autres j'imagine vous l'avez à peu près compris, officiellement vous répondez auprès d'Isabella, le fait de passer par Bartolomeo entre deux faisait pas vraiment partie du plan, c'est pour ça qu'il vous a envoyé ses gardes. Eh bien écoutez, je suis ravi de voir que l'émissaire et que Ismaël nous envoie également une personne de confiance en réponse. J'espère que nous arriverons à tisser des liens forts entre Anabaptiste et Jametan. Maintenant, j'aimerais savoir ce dont Ismaël aurait pu vous parler. Est-ce que vous avez appris des choses intéressantes auprès des Jametan ? Chose très intéressante. Ah oui. Écoutez, j'en suis heureux. J'en suis heureux, voyez-vous. Je suis content que les Jametan aient collaboré avec vous. Moi-même, j'apprécie ces personnes. Quand bien même nous avons fait la guerre avec eux, je pense qu'une paix durable entre nos deux cultes est ce dont nous avons besoin. Pensons à toutes ces familles qui ont été isolées de leurs parents morts durant ces affrontements, de tous les travers qui ont pu avoir lieu avec ces affrontements, ces massacres et ces bains de sang. Paraît-il qu'à l'époque, lorsque la guerre éclatait au pied de la forteresse de Kerebus, que le sang coulait jusque dans les pavés et les ruelles de Perpignan. En entendant faire son discours, je commence à l'applaudir de manière de plus en plus haute fréquence, en passant un doigt sur mon œil et en disant « Franchement, je ne peux vraiment qu'acquiescer, je suis à plus que 100%, c'est-à-dire même 200% d'accord avec vous. Je pense qu'il est temps d'enterrer la hache de guerre et d'ensemble former de grandes communautés unies et en même temps à l'écoute de nos diversités. » Oui, exactement. Enfin bon, qu'avez-vous à me dire ? C'est plutôt qu'est-ce que vous avez à nous dire ? Vous nous avez demandé, non ? Eh bien, Isabella est assez occupée pour l'instant, donc elle m'a dit de vous faire venir lorsque vous seriez rentré pour faire le résumé des informations que vous aviez pu récupérer. D'accord, où est-ce que vous avez mis Isabella ? Pardon ? Non, Isabella n'est jamais occupée pour moi. Elle est dans sa forteresse, mais vous savez, avec l'Adriel, il y a énormément de choses à gérer. Je vais me tourner un peu vers Noxidi en me posant la question, en fait, de est-ce que sa présence à celle-là me gêne plus que ça, mais au final, elle est plus notre prisonnière qu'autre chose dans cette situation, pour l'instant. Donc, je vais faire comme s'il n'était pas là. Je vais me retourner de nouveau vers notre cher Bartolomeo, je vais dire, Bartolomeo, nous savons pour vos accords, et nous sommes prêts à en discuter d'un œil bienveillant. Il se retourne. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous avez bien vu le flux tendu qui se passe actuellement. Isabella ne cherche qu'une chose. Une raison de déclarer la guerre au Géamétan. Alors, je n'ai pas collaboré. J'ai entretenu des relations diplomatiques avec leur chef. Il n'aurait pas dû vous en parler. Je vais pourtant envoyer un message à ce sujet. Nous sommes arrivés avant. Vous avez fait plus que des pour parler avec ces Géamétan, sinon ils n'auraient pas tant paniqué à l'idée qu'un chroniqueur en ait été mis au courant. Disons simplement que nous sommes face à une situation extrêmement compliquée. Mettez-vous à ma place. Je dirige la deuxième plus puissante forteresse anabaptiste du sud de la Franca. La plus puissante se trouve à 15 minutes de distance. Nous sommes donc deux forteresses unies. Problème, la première est gérée par une folle. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Si jamais je la laisse faire et si jamais nous prenons trop de puissance, elle déclarera la guerre à nouveau et nous repartirons pour 10 ans. Alors parfois, il est malheureusement nécessaire de faire quelques petits sacrifices pour s'assurer que les forteresses ne puissent pas trop évoluer, qu'elles restent à un stade suffisamment bas de développement. Imbécile. Quitte à sacrifier quelques... Imbécile. Des milliers. Vous auriez fait la même chose à ma place. Est-ce que c'est la guerre ou est-ce que c'est la paix qui nous a fait perdre la Purgare ? La Purgare n'a rien à voir avec là-dedans. Je vais rester silencieux un moment. Par curiosité, quand vous dites la guerre, c'est juste entre vos forteresses et la ville ou c'est vraiment entre les Anabaptistes et les Géamétan ? Si une guerre éclate, ce sera mais l'apocalypse. Nous enverrons, si nous massacrons Hérodelsol, les Géamétan sont un peuple nomade, pour rappel. Je ne donne pas 6 mois avant que la moitié d'entre eux ne débarquent en Franca du Sud, tenter de récupérer nos deux forteresses. Dieu sait qu'ils doivent les convoiter. Regardez, Ismaël nous a même envoyé une émissaire, c'est bien la preuve qu'il souhaite collaborer. Tout comme je souhaite collaborer avec lui, nous devons nous entendre et nous devons nous auto-affaiblir mutuellement pour ne pas risquer d'en arriver jusqu'à une situation suffisamment tendue, de ne pas trop tirer sur la corde avant qu'elle n'éclate. Nous sauvons des milliers de vies en faisant cela, et j'ai besoin de votre aide pour y parvenir. Allez parler à Isabella, elle est encore plus folle que d'habitude depuis que vous êtes arrivée. Est-ce que vous attendez d'une discussion entre nous et Isabella ? Dites-lui la vérité si vous voulez, de toute façon, qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Nous sommes dans une situation en demi-ton. J'ai une bonne vingtaine de gardes à portée de voix. Vous ne pouvez rien me faire. Et à l'inverse, je ne peux rien contre vous. Vous me prenez en otage. Et c'est pas faute d'avoir tenté de vous arrêter. Vous savez qu'il y a un trafic d'huile élyséenne dans vos forteresses ? J'en ai entendu parler. Et vous avez aucune piste là-dessus ? C'est pas vous qui êtes à la manière par hasard ? Non. Je crois que je suis un peu au courant, mais c'est plus des rumeurs qu'autre chose. D'accord. J'aimerais toucher à mon vocoder. Tu vois un test de perception, ouais, Gossette, tu peux. Excuse-moi, vas-y, Flux. Ok. J'aimerais du coup toucher à mon vocoder pour par rapport à ce qu'on parlait en privé, pour du coup prendre la voix de Bartholomew. Et du coup, lui dire « Je suis pas sûr que si vous appelez aux gardes, vous serez gagnant. » À ce moment-là, vous voyez donc Efflux parler avec la voix de Bartholoméo. Il récupère sa voix et l'imite à la perfection. Et ce dernier devient complètement livide et pâle. Toric, en effet, par contre, j'ai oublié de te dire, oui, tu as bien une torche à portée de main, si tu veux vous êtes éclairé par une espèce... Enfin, c'est plus une bougie qui est posée au centre de la table et qui vous éclaire. 4 succès, un déclencheur. Ok. Tu vois que sa peau est en effet légèrement luisante. Mais tu ne saurais dire s'il s'agit du fait qu'il transpire à cause de la chaleur ou parce qu'il est recouvert d'une huile élyséenne. J'ai ma torche dans la main. Et en gros, je vais quand même discuter. Genre, je vais faire comme si j'allais discuter avec... Comme si j'allais me déplacer, mais pas forcément aller sur lui, mais... Feindre le croc en jambe que je me fais à moi-même, et la torche tombe dans la direction de Bartholoméo. Ok. Au moment où les flammes entrent en contact avec sa peau, elles se décalent instantanément, elles volent autour comme si elles étaient complètement inefficaces. C'est-à-dire que même quelqu'un de normal à ce moment-là se serait au moins brûlé. Il n'aurait pas pris feu, mais au moins il se serait brûlé, il aurait eu super chaud. Lui réagit légèrement avec le bras au moment, sur le coup, plus par surprise. Mais il n'y a pas plus de réaction que cela. C'est vous ! C'est vous le démurge ! Qu'est-ce que vous... Arrêtez ! Pourquoi vous portez en permanence de l'huile élyséenne ? On sait que ceux qui font partie du démurge ont peur de la sanction divine. Je ne suis pas anabaptiste, mais ça, je l'ai lu dans les livres. Ils vous regardent à droite, à gauche. Ils vous dévisagent tous les uns après les autres. Et puis ils commencent à baisser les yeux. Il comprend qu'il est piégé, il peut même pas appeler ses gardes, Efflux l'a un peu contré. Écoutez, j'ai quelque chose à vous proposer. Bartholoméo. J'ai un accord à vous proposer. Je me rends, d'accord ? Vous pouvez m'enfermer dans les geôles si vous le souhaitez, repartir avec la clé si vous le souhaitez. Après ça, vous allez voir Isabella. Mais en échange, vous me laissez 5 secondes avec Noxidi. Seul à seul. Pour que je lui fasse parvenir un message à Ismaël, de ma part. Au moment où il dit ça, je me gratte le crâne en me demandant ce que je fais un peu ici. Et du coup... timidement, je m'approche et regarde du coup le reste du groupe en attendant que la place se libère en étant tremblotante. Je pose ma main sur ton épaule. Je tourne la tête et te regarde avec un grand sourire. Et tu vois ma tête qui fait un signe de non. Du coup, je recule de quelques pas en mettant un... forme d'interrogation. Et puis je regarde. Je pense que faut accepter cette reddition et laisser cette discussion avoir lieu. Pourquoi ? Parce que on a quand même un ennemi qui se rend de manière honorable, voilà. Bartholoméo se met à pleurer quand tu dis ça. Il y a une larme. Voilà, vous voyez, c'est un brave type. Est-ce que je peux me rapprocher de Lito Oui, tu peux te rapprocher de Lito. Et puis, je vais lui chuchoter dans l'oreille. Puis après, on la tabasse pour savoir ce qu'il lui a dit. C'est discret. Je vais m'approcher de Bartholoméo et je vais dire... Bartholoméo, vous avez peut-être un bon cœur, mais vous êtes vraiment stupide. Si Isabella est vraiment folle, même dans son état, Elle a su retourner contre vous un des stratagèmes les plus connus de notre culte. Mais je suis d'accord avec la nécessité de ne pas déclencher une guerre avec les Géométhane. Je vais donc, pour ma part, accepter votre reddition et vos demandes. Vous finirez dans un cachot et nous irons parler à Isabella. Et nous verrons s'il est possible de vous sauver peut-être, si ce n'est sans votre rang. Vous pourrez peut-être continuer à travailler avec les Géométhane en termes de relations, mais nous verrons ça après votre reddition. À ce moment-là, Bartolomeo, il y a son regard qui commence à se perdre complètement. Et il commence vraiment à pleurer à chaudes larmes des deux yeux. Et il murmure quelque chose. Il te regarde, Torik. Tu le vois qui te dit « Orfeo, il est encore temps, peut-être. » Orfeo ? Si vous partez maintenant, vous pourrez encore le sauver. Je me retourne et je pars dans la direction de retrouver Orfeo, en fait. Ok, tu commences à partir en courant. Mais il est où, Orfeo ? En ce temps-là, vous autres, vous acceptez de sortir de la pièce ? Avant de se quitter, je regarde un peu aux alentours. Ouais, voilà. S'il n'y a pas d'autres sorties ou des trucs comme ça. Hein. Non. Ouais. Oui, non. Il n'y a pas une fenêtre. Non, mais justement, on pose la question. Ça, en vrai, oui. Vérifier niveau fenêtre, niveau sortie, toiture, tout. Je fais quand même un bon check-up de la pièce avant de sortir. Au moment où tu fais ça, je comprends du coup que c'est de bien vérifier. Et ah, mais je m'en cache pas. Je sais, mais j'ai pas d'un mouvement de bras. Je dis, n'ayez crainte, je ne saurais être digne de votre confiance. Et je continue deux fois plus à bien surveiller les recoins de la pièce. Ouais, c'est ça, c'est ce qu'ils ont dit, ceux qui ont fait sauter la statue du juge d'Arco aussi. Hein. On la connaît. Ah oui, parce que pour l'histoire des Géométhane, on fait sauter, exploser une statue du juge, donc le juge suprême, du coup, en Occidie. Alors ça se passe loin, ça se passe du coup en Borca, donc en Allemagne. Et en réponse, alors le juge suprême, on va pas se mentir aussi, qui est probablement le plus gros fasciste de l'univers de Degenesis. Déjà rien que son nom de juge suprême en dit long sur ce qui, l'image qui se donne. Et du coup, en réponse, il a fait massacrer tous les Géométhane qui pouvaient ressembler de près ou de loin à ceux qui avaient fait ça. Du coup, il y a eu une énorme purge de Géométhane il y a quoi, quelques années, à Justicienne, la capitale de la Borca. Enfin bref. Donc, ouais. Jacquard fait là une petite référence, une petite pique historique. Torik, tu commences à courir et tu arrives jusqu'au niveau du laboratoire d'Orfeo, qui est complètement vide. Il n'y a personne. Oui. Orfeo ! Orfeo ! Aucune réponse. À ce moment-là, la porte principale s'ouvre d'un seul coup violemment et tu vois une jeune recrue anabaptiste rentrer en hurlant... Au secours! Vite! Je la suis. Je vous suis! Okay. Allez! Tu vois que les autres orgastiques commencent à débarquer aussi. Qu'est-ce qui se passe? Amenez des seaux d'eau! Et vous commencez à courir jusqu'au niveau de la place principale. Le temps autour de toi commence à prendre une texture, une espèce de... Il y a quelque chose d'un peu étrange. T'as l'impression presque que le temps ralentit autour de toi. Tu sens d'intenses vagues de chaleur caresser ton visage. En levant le ciel, on est quand même... La nuit est tombée. Et... Ce qui fait que... ces vagues de chaleur ne sont pas issues du soleil. Mais bien issues de... la figure d'Homo de Genesis de l'Égérie qui était érigée justement en plein milieu de la place centrale. Autour d'elle, tu vois tous les habitants des forteresses, vêtus de tenues de fanfare, habillés pour l'occasion, qui sont venus fêter l'Adriel, tout simplement. Au centre de l'Égérie, en flammes, vous entendez des hurlements, des cris de douleur, qui ont tout ce qu'il y a de plus humain. Et la foule autour, que je décrivais donc habillée en fanfare, complètement paniquée, en train de créer une cohue gigantesque. Des hommes tentent d'affronter les flammes et tentent d'ouvrir la créature comme s'il s'agissait d'un véritable monstre. Il la pourfente de son épée pour tenter d'en extirper la personne qui est prisonnière. Qu'est-ce que tu fais? Je crie. Alors, forcément, j'imagine qu'il y a déjà des gens qui sont en train d'essayer d'éteindre avec de la flotte. Et pendant que moi, je donne un coup de main, donc forcément, pour essayer de faire la chaîne pour rapidement machin, je crie ramenez de l'huile, les aînes! Ramenez de l'huile! Très bien. Pendant ce temps-là, les autres, vu que ça se passe en même temps, vous êtes juste avant qu'il y ait l'anabaptiste qui rentre en panique. Est-ce que du coup, vous laissez son moment seul à seul entre Noxidi et Bartholoméo? Oui, pour ma part, oui. Ok, très bien. Après vérification de la salle, oui. Ok, oui. T'as vérifié la salle, il n'y a aucune sortie possible, en l'occurrence. C'est une salle de conseil, donc en plus, c'est censé être... justement un endroit isolé du reste pour pas qu'on puisse espionner, pour pas qu'on puisse entendre. Noxidi, tu te retrouves seul avec Bartholoméo, vous êtes séparés par son espèce de grande table qui représente la carte des environs. Et tu le vois qui te dit... Vous devez demander à Ismaël de me sauver. Il faut qu'il me sorte de là. C'est bien la paix qu'il veut, non? Du coup... À peine, du coup, comment il commence à exprimer son discours que je hoche tout en bas ma tête assez fortement. Il lui répond. Bah, comme je l'ai expliqué tout à l'heure, je ne connais pas excessivement bien, mais vous avez l'air d'être quand même plutôt en faveur du même projet que nous, à savoir quand même vouloir la paix. Donc très clairement, ne vous inquiétez pas. Dès que bien sûr on saura donner les moyens, car je suis quand même un peu loin actuellement, j'essaie de transmettre le message dès que possible. Tu le vois qui l'acquiesce. Est-ce que t'as quelque chose en plus à lui dire? Non, je vois effectivement qu'il a l'air vraiment dépité par tout ce qui se passe. Et du coup, comme tout à l'heure, lorsque je suis allé faire une accolade, je reviens presque de câlin pour vraiment le consoler de la souffrance que je pouvais lire dans ses yeux et en lui tapotant l'épaule et un peu la nuque. Et après, je me retire lentement. Ok. Tu vois qu'à ce moment-là, il l'accepte beaucoup plus que la dernière fois, étant donné qu'il n'y a personne autour. Et juste au moment où tu partiras, tu quitteras la salle, tu vois qu'il te dira « Je compte sur vous. Sauvez-moi. » À ce moment-là, tu refermes la porte derrière et tu retrouves le reste du groupe. À ce moment-là, c'est là que débarque l'orgastique. La recrue, pardon, l'anabaptiste, qui ouvre la porte. Vous voyez la silhouette de Torix sortir du laboratoire et commencer à partir en courant. Pour vous faire la scène, de manière un petit peu plus diluée, on retirera quelques instants plus tard le corps calciné d'Orfeo l'Élyséen, qui malheureusement sera mort dans les flammes, malgré l'eau, malgré les huiles élyséennes. En plus de ça, vous pourrez assister au spectacle, vous, Efflux, Lito et Jacquard, du haut des marches. Vous apercevez Bartholoméo descendre auprès de ses gardes et se rendre sous votre regard. Il confesse être à l'origine d'ailleurs de la mort d'Orpheus, sans pour l'instant revenir plus sur ce qui l'a poussé à comploter contre ce dernier, contre son propre Élyséen. dans tous les cas, évidemment, j'imagine que vous donnerez des comptes à rendre. Vous avez donné quelques preuves, ou en tout cas quelques accusations auprès des gardes. Pas suffisamment pour le faire, condamner, mais je veux dire, c'est juste à l'oral. Retenez-le, prisonnier, et nous, on va voir... Exactement, Isabella. Isabella. Ces derniers ne savent pas comment agir. Certains disent, vous voyez déjà une espèce de vent vous entendez quelques messes basses, quelques gardes qui disent Bartholoméo a toujours tout fait pour nous sauver et nous on devrait l'emprisonner sous notre propre toit. La prison est pour le garder en sécurité avant tout. Très bien. C'est ça ou la mort. Très bien. Là-dessus, vous vous mettez en route de la seconde forteresse, celle de Péripertuse, sous les flammes noires charnières de l'Égérie, Érigie, je m'y perds, sous des flammes noires dans tous les cas, avec cette silhouette de sac de patates et de foin d'Homo de Genesis, éventré. La foule panique. Les gardes se rassemblent, commencent à fouiller tout le monde. Vous-même, vous êtes fouillé. Certaines personnes, Noxidi et Earth, te jettent des pierres lorsque tu passes. Les gens disent « Encore un coup d'Edge à méthane, c'est sûr !» Mais c'est pas la foule dans la globalité. C'est juste que les gens paniquent et chacun réagit de la pire des manières à sa manière. Qu'est-ce que vous faites sur le trajet de la forteresse de Péripertus, si vous faites quoi que ce soit en particulier? Parce qu'en réalité, vous faites un petit peu ce que vous voulez, vous pouvez même, vous n'êtes même pas obligé de vous y rendre si vous le souhaitez. Moi, je suis dépité. Moi, je suis pour m'y rendre déjà. Oui, j'y vais, mais je suis dépité. Moi, d'ailleurs, j'ai ma tenue hospitalière qui est pleine de sueur noirâtre. J'ai même le visage pareil qui est plein de sueur, enfin de bois brûlé, enfin voilà quoi, de cendres. J'y prête même pas attention. Je suis dépité. J'étais prêt à... Pour une région que j'ignore, en fait, vraiment, mais j'étais prêt à m'enduire d'huile et de foncer dans les flammes pour aller le chercher. Si malheureusement, t'es probablement arrivé trop tard, c'est peut-être ce que tu as fait. Ouais. Et voilà, j'avance, mais sans discuter, avec légèrement la pointe de mon dilacérateur qui frotte sur le sol, qui laisse une traînée, une petite marque, un petit trait qui me suit tout au long du trajet. Face à vous, vous avez donc un taurique couvert de crasse qui semble être là, de voir toutes ces pertes. Peut-être un sentiment d'impuissance aussi, face à ce qui s'est passé, et qui est évidemment encore sous le choc. Vous avez jamais vu taurique comme ça, couvert de cendres, et comme tu dis, qui s'en fout. Vous marchez le long de l'aqueduc qui sépare les deux forteresses. Je pense qu'en avançant, si tu permets, je te laisse faire ta narration, mais c'est juste que je veux parler pendant qu'on avance. Oui, vas-y, au contraire, vas-y, c'est le bon moment. Ok. Pendant qu'on avance, je vais interpeller Noxidi, et je vais donc dire Noxidi, vous voulez vraiment la paix ? Je me tourne, je hoche très fortement la tête et j'acquiesce et lui demande ce qu'il souhaite. Puisque je sens derrière sa question d'autres questions venir. Quel genre de paix vous voulez ? Une paix par la domination ou une paix sans aucune goutte de sang ? Oh, vous savez, moi j'ai pas été très bien formé sur toutes ces questions-là, mais il me semble quand même que autant limiter les dégâts. Après, comme le disait finalement très bien tout à l'heure Thoric, s'il faut passer par quelques éliminations, ça peut se concevoir. Mais si on peut éviter de faire du sang, autant éviter de faire du sang inutilement. Voilà. En tout cas, je peux vraiment offrir un gage de garantie si tu le souhaites. À l'heure actuelle, la meilleure solution pour la paix, ce n'est pas Bartholoméo. Ce qui vient d'arriver va mettre fin à son pouvoir, que ce soit vis-à-vis de la forteresse ou vis-à-vis de notre culte en général. J'ai bien peur que pour le moment, la meilleure solution pour la paix, ce soit Isabella, mais elle-même n'est pas de cet avis-là. Ah, comment ça ? Isabella est fatiguée. Il serait bon que vous soyez présent durant la discussion que nous allons avoir, mais que vous ne soyez pas trop... présente, je vois. D'accord, j'entends tout à fait. Bah, de toute manière, c'est quand même une belle coïncidence tout ça, puisque moi, en fait, à la base, bah, vous m'avez récupéré un peu sur le chemin, mais ma première destination, comme je vous l'indiquais plus ou moins, c'est d'abord d'aller voir même Isabella. C'est-à-dire que Bartholoméo, bah... son nom me disait vite fait quelque chose, mais je voyais pas trop qui c'était, et bon, j'ai pu voir un peu le type misérable que nous avons croisé, mais ce n'était finalement qu'un point de passage, ce n'était pas ma... Enfin, je vous accompagnais par courtoisie, et aussi un peu en sentant un air menaçant sur moi, mais je n'avais aucunement l'intention de faire quoi que ce soit avec ce cher Bartholoméo. Je vois. J'ai envie de vous croire sur vos bonnes intentions, alors pour le moment... En tout cas, je peux même vous offrir un dernier gage, c'est que... concernant la fameuse discussion qui... avec lui et moi, avant que nous quittions un peu en vitesse finalement cet espace, comme vous disiez, pour moi, Bartholoméo, il est présent, mais je m'en fous un peu, ce n'est pas un élément intéressant. Et du coup, en quelque sorte, lorsqu'il est venu me parler, il semblait, bah, vous voyez, vraiment à pitié, à vouloir trouver une sorte de salut, à qu'on puisse le libérer. Et moi, j'ai vraiment continué de jouer le rôle qu'on m'a dit de jouer, c'est-à-dire intervenir le moins possible et de juste faire les négociations. Donc, en tout cas, soyez tout à fait quiets à ce sujet. Il m'a demandé de rompre un peu finalement la promesse qui a été conclue entre vous et lui. J'ai acquiescé par commodité pour ne pas créer de vagues et de remous, mais en tout cas, je laisserai les choses se faire telles que vous avez prévues. Qu'ils finissent en geôle, c'est un moindre mal si c'est nécessaire pour que la paix se fasse entre nos peuples. Très bien, tu viens de parler pendant tout le voyage, mais je te fais confiance. Pendant que Noxie dit pas, moi j'aimerais beaucoup m'attarder sur elle et savoir si elle est armée en fait. Mais du jour même, arme dissimulée. D'accord, tu procèdes de quelle manière? Je vais clairement, simplement passer mon temps à marcher plus ou moins écarté et juste jeter dans chacun des mouvements, parce que je me dis encore plus de ça en marchant. Si une arme est camouflée là-dedans, elle pourrait finir par s'apercevoir. Fais-moi un test de perception. Deux réussites dans un déclencheur. Tu ne vois rien. Donc. Vous avancez et vous arrivez jusqu'au bastion gigantesque de Péripertuse. Et comme vous en aviez parfois l'habitude, contrairement à ce que vous en aviez parfois eu l'habitude, cette fois-ci il n'y a pas Isabella en train de vous yeuter du haut de son balcon. Vous passez le mur de garde et vous dirigez en direction de la forteresse. La foule semblait aussi avoir vécu le mouvement de panique. La rumeur est déjà en train de se propager. Et vous voyez les orgastiques tenter tant bien que mal de calmer et d'endiguer la situation. Vous vous frayez un chemin jusqu'à l'intérieur de la forteresse. On vous laisse rentrer. À ce moment-là, vous êtes intégralement fouillé. L'intégralité des gardes de Péripertus sont sur leur garde, justement. On récupère même vos armes. Écoutez, la rumeur dit que Orfeo l'Elyséen a été assassiné. Nous ne pouvons prendre aucun risque, désolé. Nous comprenons et la rumeur est vraie. Merde. Vous avez une femme aussi, celle qui vous fouille également, enfin ils ont réparti homme, homme-femme quoi, qui elle dit j'ai peur, j'ai sincèrement peur. Le gars, lui, à côté, avec qui t'es en train de discuter, Lito, qui fait... Cela ne présage rien de bon. Est-ce que vous savez qui est derrière tout ça? Je ne vais pas répondre. Je vais juste poser une main sur chacune de leurs épaules et je vais dire... ce sont les temps difficiles qui font les empires forts. Et je vais continuer à avancer, du coup, après leur avoir lâché mes armes. Très bien. Vous allez vous rendre jusqu'aux appartements privés d'Isabella. Cette fois-ci, vous n'êtes pas accueilli dans une chambre de conseil ou même au sein même de l'endroit. Vous êtes actuellement à l'intérieur d'une pièce qui se trouve dans l'une des tours de la forteresse. Une grande pièce avec un lit à baldaquin. Le dit... balcon depuis laquelle elle observe l'aqueduc et la statue de Virgile, son défunt mari. Disposée sur un petit meuble en bois bien traité et verni, toute une collection de bouteilles entreposées ici et là. Accrochée au mur juste derrière elle, un espadon, un abatiste, ceux qui sont munis du dispositif lance-flamme. Et tout autour, différents trophées de guerre, de bataille. Mais également au sol, des traces de verre brisé, qui n'a pas été ramassé, encore, ou alors qui s'est infiltré entre les différentes dalles. Elle vous attend, assise sur le bord du lit, se redresse au niveau de l'espadon dont je parlais tout à l'heure. Et vous voyez qu'elle vous dit... Qu'est-ce que vous me ramenez là ? Dit-elle en t'observant toi, Noxidi. Du coup, ayant appris de mes erreurs et de l'échange avec Lito, je reste la bouche tout à fait close, mais je fais juste des grands gestes des mains pour la saluer, pour qu'ils comprennent que je la salue, mais en restant silencieuse. Elle te rend pas ton salut, tu vois que t'as affaire devant toi à une vieille femme, enfin une vieille femme, une femme d'environ 60 ans, si c'est peut-être même un peu plus, entre 60 et 65 ans, avec un visage recouvert de quelques cicatrices... Un nez rouge alcoolique, d'énormes cernes sous les yeux, qui a du mal à se tenir droite, qui prend pas extrêmement soin, elle a un accoutrement un peu militaire, haut gradé, mais qui en même temps se laisse un peu aller, quelques taches ici et là, mais qui a une certaine présence quand même, elle inspire une espèce de danger. On la sent prête à bondir, prête à mordre comme un animal féroce, par exemple. Il s'agit là d'une contrepartie à l'accord que nous avons mis en place avec Ismaël pour que les Djamétan quittent les alentours de la forteresse. Et elle souhaite discuter de futur. Ouais. Est-ce qu'en échange de cette contrepartie, vous avez pu obtenir des informations intéressantes ? De nombreuses informations intéressantes. Dites-moi. Avant toute chose, Isabella, est-ce que tu es au courant de ce qui se passe ? Il paraît qu'un incident a eu lieu au niveau du brasier. Orfeo était dans ce brasier. Elle crache par terre. Qui ? C'était notre meilleur Elyséen. Est-ce là l'œuvre du démiurge ? Celui qui s'est infiltré entre nos murs et qui se répand, qui serpente dans nos forteresses ? C'est là l'œuvre du Géamétane, enfin de la Géamétane, dit-elle en pointant un oxydie. Je lève la tête et je la regarde et je regarde. Enfin non, il est pas là, mais. C'est Bartholoméo. Et je baisse la tête. C'était donc vrai. C'est lui qui communiquait avec Hiro del Sol. Oui. Mais jusqu'à présent, de ce que nous savons en tout cas, c'était à des buts pacifistes. Du moins jusqu'à la mort d'Orfeo. Très bien. Eh bien, j'ai l'impression que vous avez rempli votre part du marché. Vous avez repéré le démiurge entre nos murs. Vous avez maintenu un accord avec les émissaires de Géamétane et chassé les apocalyptiques de Perpignan. Est-ce que nous sommes sûrs de tous ces points ? Elle commence à tousser un peu. Puis va se servir un verre. Nous en sommes sûrs. Très bien alors. Isabella, j'ai une question pour toi. Elle avale son verre d'une traite. Le fait taper contre le meuble, le bruit résonne dans toute la pièce et ensuite se retourne vers toi. Je ne me permettrai pas de la poser si nous ne nous connaissions pas déjà beaucoup, mais est-ce que c'est toi qui a permis le trafic d'huile et Isen ? Elle acquiesce et elle sourit d'un sourire un peu carnassier. J'étais au courant, en effet. J'ai simplement fermé les yeux là-dessus. Dans quel but ? Je ne saurais dire. Simplement, quand quelques étincelles viennent à émettre à l'intérieur de nos forteresses, j'aspirais à voir l'incendie ravager la moitié de ces dernières avant de l'éteindre. Juste pour voir qui allait propager les flammes et qui allait tenter de les éteindre. Avoir un œil là-dessus me permettait aussi de débusquer aisément les personnes qui avaient des choses à se reprocher. J'avais des suspicions sur Bartholoméo, mais je pense qu'il faisait appel à des fournisseurs annexes. Je ne pouvais pas être certaine de cela. Elle était sûre. Isabella, quand bien même la manœuvre est remarquable, je dois avouer que je m'inquiète pour toi. J'ai remarqué, tu sais, que tu as changé plus que de raison. Ouais. La guerre. Mais pas que. Elle se resserre un verre et elle vous en sert aussi, même à toi, Noxidi. De base, elle te foudroyait un peu du regard, elle faisait même comme si t'étais pas là, mais t'as l'impression qu'elle est dans un état où elle en a même plus rien à faire. Et de ton côté, Jacquard, pour ton test de perception. 5D. Voilà, parfait. Vous savez, Les choses ont rarement été très simples ici. Au fond, je crois que j'aimerais voir sombrer ces forteresses, sortir de leurs cendres et lancer un nouveau front, nous étendre plutôt que mourir ici entassés les uns sur les autres dans les montagnes. En réalité, j'ai reçu une visite étrange, un peu moins d'un an après être rentré. Quelqu'un de très curieux. Et donc, j'étais posé ici, en train de noyer mon chagrin et la récente perte de Virgile dans quelques fonds de bouteille. Lorsqu'une femme est rentrée dans la pièce. J'ignore même comment est-ce qu'elle a fait pour passer mes gardes. Elle est venue me poser quelques questions et m'a tendu une lettre. Une lettre qui ne pouvait avoir été écrite par personne d'autre que Virgile lui-même. Comme s'il était revenu d'entre les morts. Elle m'a promis que l'amour de ma vie reviendrait si je m'attardais à maintenir une paix prospère dans le sud de la Franca. À l'époque, j'étais prête à retourner en guerre. J'étais déjà en train de mobiliser des troupes, fabriquer des armures, des armes pour de futurs, et d'entraîner de nouvelles recrues, toujours plus jeunes les unes que les autres. 16 ans, 15 ans, 14. Alors j'ai accepté. J'ai maintenu la paix. Et Virgile n'est jamais revenu. Depuis, j'apprends que le démiurge se trouve dans mes murs et qu'il pactise avec les Jaya Methan. Elle crache à nouveau par terre. Qu'ont-ils de si différent de nos vautours que nous lâchons sur les cadavres chaque année? Elle se pose au niveau de son balcon. Je m'approche un petit peu histoire d'être toujours parfaitement audible. Et je dis... Ils n'ont rien de différent des vautours. Ils ne s'attaquent qu'aux cadavres. Isabella, je suis désolé de te le dire, car je ne me le permettrai pas si nous ne nous connaissions pas, mais tu te comportes comme un cadavre et tu obliges notre culte à se comporter comme des cadavres. Tu souhaites mettre le feu à nos propres forteresses ? Dis-moi que tu n'y penses pas vraiment. Dis-moi que tu crois en la situation que je t'ai proposée. Celle de récupérer Toulon, celle peut-être de récupérer toute la Franca. Dis-moi que tu y crois. Dis-moi que je peux te faire confiance comme je t'ai fait confiance à l'époque. Elle prend son verre. L'approche de ses lèvres et au dernier moment... le renverse au-dessus du balcon et le laisse tomber et regarde juste le liquide chuter dans le vide. Pour être parfaitement honnête, au début je n'y croyais pas. Je te disais, je t'ai menti car... je souhaitais, j'espérais utiliser cette étincelle que vous venez d'amener pour déclarer le dit incendie. Chasser... les mauvaises herbes de nos champs. Et lancer un second souffle dans nos troupes. Mais avec du recul, Pourquoi pas? Pourquoi pas même faire la paix avec ces satanés de Jamethan, finalement? Ils envoient même des émissaires chez nous, maintenant. Je vais m'approcher d'elle et je vais mettre ma main sur son épaule pour la faire se tourner, tu sais, lentement se tourner vers moi. Et je pense que je vais la regarder dans les yeux un petit moment et la prendre lentement, parce que j'ai quand même du respect pour elle, c'est une supérieure, hein, mais et la prendre lentement dans mes bras. Ok. Tu vois qu'elle se laisse faire et au moment où tu la prends vraiment dans tes bras, t'entends le bruit de la bouteille qui est tenue dans l'autre main s'éclater au niveau du sol, comme si elle avait complètement relâché ses différents muscles. Et même si personne ne les verra, tu sentiras quelques gouttelettes, probablement quelques larmes couler dans ta nuque. Isabella, Bartholoméo n'est plus apte à diriger. Et nous avons beaucoup à faire si nous voulons remettre notre culte sur pied. Nous allons faire en sorte de me placé à sa place en tant que dirigeant de sa forteresse. J'y resterai et ensemble nous travaillerons à sécuriser nos arrières avec l'aide de Jamethan dans la paix et nous travaillerons à avancer en Franca vers le nord. Et nous le ferons ensemble comme on aurait dû le faire à l'époque. Et c'est à ce moment-là que vous entendez une main tambouriner sur la porte, juste à côté de vous. Isabella, Isabella! Ouvrez vite, c'est important! Qu'est-ce que vous faites? Vous autres, qui êtes un peu plus en retrait, vous les avez laissés se déjeuner au niveau du balcon, qu'est-ce que vous faites? Je me place légèrement. Bon, enfin, même si je suis un peu mollasse, mais je à côté de Noxidi. Du coup, je tourne ma tête quand je vois faire ça et je me rapproche pour essayer de me protéger avec lui. Jacquard à Flux. Je vais laisser Jacquard ouvrir, enfin, je vais lancer un regard pour voir s'il a l'air de s'y... Ok, bah, je vais dégainer mon pistolet, mon fusil canoncier. Et donc je vais ouvrir la porte de mon bras robotique. Et moi je vais me placer. Oui, non, vas-y. Ouais, je vais juste me placer en fait entre. Enfin, du côté de Noxidi qui donne accès du coup à Isabella. Du coup, je sais pas si c'est derrière, côté, etc. Je sais pas spatialement où ça se situe, mais tu comprends. Ok, très bien. À ce moment-là, au moment où tu ouvres la porte, Jacquard, tu vois que l'anabaptiste qui se trouvait derrière était sur le point de l'enfoncer. Il est essoufflé. Il est en train de cracher ses poumons par terre. Lorsqu'il vous aperçoit, il jette un coup d'œil en direction d'Isabella, qui, elle, s'est redressée sur elle-même, a essuyé ses larmes et le regarde de nouveau presque avec le même air qu'avant. Bartholoméo ! Il est mort ! Comment? C'est la merde. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. J'ai gardé sa geôle avec les autres gars, vous en effet vous le reconnaissez. Puis il a commencé à être pris de... Il a commencé à hurler des hurlements de douleur, à se tordre dans tous les sens. Il essayait de nous persuader qu'il était victime d'un complot monté par Isabella contre lui pour le faire passer pour un traître ou je sais pas quoi. Il essayait de nous demander de l'ouvrir et d'un seul coup il s'est effondré sur le sol. Écoutez, vous êtes en danger, les gars là-bas ils sont en train de voir complètement rouge, ça fait un moment qu'ils les avaient mis à leurs bottes. Je me tourne la tête dans la direction de Noxidi. C'est toi ça? Mais pourquoi donc? Je rappelle que moi je suis là pour faire la paix, je suis là pour créer du commun. Et même si effectivement je n'ai pas grand chose à faire de ce néo-défunt, mais il était pour moi simplement... Enfin, j'ignorais son existence il y a à peine quelques jours, ou du moins j'avais une vague connaissance de lui. Du coup, pour moi qui sont en geôle, c'était suffisant. C'était suffisant pour ensuite aller négocier avec Isabella, mais pour moi ce n'est qu'un pion sur l'échiquier, je n'ai grand désintérêt envers son existence. Vivant ou mort, ce n'est pas mon... Tu parles beaucoup, Géométal. Lito, quand le plus rapidement possible, il faudra que je fasse une autopsie. Voir s'il n'a pas été empoisonné. En tout cas, pour prouver ma grande foi et ma grande confiance envers vous, je serai prêt à me livrer à tout examen ou toute question de votre part, si ça peut m'aider à vraiment créer la confiance et pour qu'ensuite nous puissions avancer ensemble. Je pense que pour le moment, nous pouvons faire confiance à Noxidi, jusqu'à preuve du contraire. Pour ce qui est du reste, je vais me tourner de nouveau vers le soldat, du coup, qui est... Enfin, le soldat là, je sais pas si c'est... Enfin, un orgastique, en tout cas, qui est là. Et je vais lui dire, est-ce qu'il y a moyen de se déplacer jusqu'à sa dépouille? Vous avez parlé d'émeute? Je peux tenter de vous escorter, mais vous devriez éloigner Isabella de là. Honnêtement, les gars là-bas, ils sont en train de voir rouge. Or, ils viennent de perdre leur Élyséen et leur émissaire. Je pense que quelqu'un doit rester avec Isabella. On ne peut pas se permettre de la laisser seule. Moi, je peux aller... Je vais rester là. J'irai pour l'autopsie. En tout cas. Est-ce qu'on n'aurait pas plutôt besoin de tes qualités d'officier anabaptiste sur le terrain Je pense que si... Après, on peut laisser Jacquard ici, qui a quand même des bonnes compétences physiques. Je pense qu'il serait capable de s'occuper de la sécurité d'Isabella, si c'est ce qui t'inquiète. C'est ça. Après, vous pouvez rester tous les deux. Quelqu'un qui assure notre sécurité physique aussi. Ce que je veux dire, c'est que moi je partirai avec Lito et vous pouvez rester ici avec Isabella. À la limite. C'est que j'aurais pas forcément utilité, je pense. Mais c'est vrai que autant faire en sorte que le moins de personnes soient impactées, je pense. C'est vous qui voyez. Pardonnez-moi, puisque je suis un peu parmi vous quand même. Est-ce que... De quelle manière puis-je me rendre utile à votre grand projet? Je pense pas que ce soit très judicieux en ce moment d'impliquer un Diamétan dans tout ce qui est en train de se passer. J'entends, oui. Dans ce cas, je propose de rester ici en compagnie de Noxidi et de, évidemment, Jacquard. Que finalement on a besoin que de savoir ce qui lui est arrivé à Bartholoméo, donc en soi que je puisse accéder au corps, savoir si s'il a été empoisonné et par quoi, et puis c'est tout quoi. Je vais regarder un peu dans le sens d'Isabella, parce que je dois avouer que cette situation, entre le fait du coup de soit rester avec elle, soit d'aller ailleurs parce que mes compétences sont demandées, ressemble énormément à ce qui s'est passé autrefois où mes compétences étaient demandées pour m'occuper des jeunes recrues plutôt qu'aller à la guerre. Mais je vais simplement dire, très bien, je vais y aller avec Tori. Mais cette fois-ci, on se reverra. Je te promets. À la caisse. Vous partez, Lito et Tori. Jacquard, toi tu restes. J'ai tout aussi. Pardon ? Flux aussi ? Non ! Flux reste. Bon, bah, je vais fuir. Hein. De quoi ? Non, tu restes là, t'es notre sécurité physique. C'est pas moi qui a dû avoir un des gens s'il y a des problèmes. Ah, bah, d'accord, bah, je reste, ok. Merci. En fait, techniquement, il y a Isabella, mais il y a Noxidie. Alors, Noxidie, on ne sait pas si elle est hostile ou pas. Alors, donc, dans le sens qu'elle est juste à côté. Non, mais non, mais là mais je dis effectivement... ça. C'est le joueur. Non, mais c'est le joueur qui dit. C'est pas Efflux. C'est pas Tori. Tori qui est déjà parti. Mais effectivement. Du coup, comme on n'est pas vraiment sûr de quel camp elle est, c'est bien sur des plusieurs. C'est Tori qui crie dans l'escalier. Non, mais on peut pas faire confiance à Doxidie. Tu crois quoi? Très bien. Vous commencez à partir et à suivre la route inverse. Vous êtes en train de nager contre une foule d'orgiastiques, de recrues, d'enfants, de personnes en costume, de fanfare, tous complètement paniqués. Et vous arrivez au niveau de l'autre forteresse. Vous descendez le long des geôles et vous arrivez au niveau du cadavre recroquevillé de Bartholoméo. Vous commencez à l'inspecter tandis que les gardes commencent à vous menacer avec leurs armes. Pas de geste brusque. Je m'avance délicatement vers le corps. Écoutez, je... Fred, on peut leur faire confiance. Je veux juste savoir comment il est mort. Je vais essayer de voir s'il a été empoisonné ou quoi que ce soit. Laissez-moi regarder. C'est bon ? Allez-y. T'en as un autre à côté, lui, il a l'air complètement presque fou. Il dit... Enfin, fou, en mode... Il est complètement sous le choc. Il dit « Dépêchez-vous, putain, dites-nous, qu'est-ce qui a fait ça ?» Du coup, je m'approche, je commence à défaire une partie de ses vêtements pour essayer de voir, en gros, la peau, s'il n'y a pas des marques ou de piqûres ou de quelque chose qui laisserait penser à, dans un premier temps, à une injection ou quelque chose. Alors, en le retournant, au niveau de son dos, tu vois d'énormes traces tout le long, de bas en haut. Comme si on l'avait charcuté de part en part. Ouais, donc c'est pas du poison, c'est une blessure mortelle, quoi. Qui a l'air presque animale. Ah, presque animale. Et autour duquel semble se répandre une espèce de substance étrange. J'ai demandé de me faire un test de médecine, s'il te plaît. Intelligence médecine. Okay. Alors j'ai 5 réussites dans 2 déclencheurs. Très bien. Tu crois avoir déjà vu il y a très longtemps, entendu parler de blessures similaires. Il s'agirait des marques laissées par d'étranges sangsues. Des trucs énormes qui probablement ont dû muter suite à l'amorce et sont presque capables de vider le corps d'une personne, en tout cas suffisamment, en quelques minutes, voire heures, et de remplacer ça par une espèce de tranquillisant slash venin. C'est indolore et ça fait des ravages. Mais de ce que tu sais, ce genre de créature, ça a été éliminé par les spitaliers il y a bien longtemps. Il ne devrait pas en rester. Je vais, pour un peu conforter mon jugement, prendre mon mollusque et le passer juste à côté des blessures pour voir s'il n'y a pas des résidus de... Si c'est par rapport à la mort, j'imagine qu'il peut y avoir des résidus dans ce sens. Et voir si mon mollusque réagit. Il réagit un petit peu, en effet, quand tu t'approches au niveau du dos. T'avais pas trop fait gaffe à ton mollusque pour l'instant, surtout que t'étais un peu sous l'état de choc après la mort d'Orfeo. Donc tu saurais pas dire si c'était déjà là, même si tu l'avais vu avant la mort d'Orfeo, lorsque vous aviez confronté Bartholoméo. Mmh. mais là tu vois et tu penses que tu pourrais le faire réagir à nouveau si jamais tu croisais la dite personne. Je m'approche de Lito, essayer d'être un peu en mode discrétion. D'ailleurs, pendant ce temps-là, Lito, vous entendez tous les orgastiques et les fureurs commencer à se monter les uns contre les autres. Il y en a qui commencent à dire c'est forcément un coup d'Isabella depuis le temps qu'ils se détestaient, ces deux-là. Il faut qu'on aille la voir, il faut aller la confronter. Je vais me retourner vers eux et je vais faire « Vous ne bougerez pas !» T'inquiète pas. Il y a déjà les autres qui sont partis il y a 5 minutes. Je vais aller le saisir. Je vais aller le saisir au col. Et je vais lui dire c'est de la trahison. Il pointe le corps de Bartholoméo et dit ça c'est de la trahison. Qu'est-ce qu'il faisait en geôle d'ailleurs? C'est quoi ça, un coup d'état? Vous l'avez tué avant qu'il puisse parler et prouver son innocence. Je vais faire un truc insensé, mais normalement ça doit toujours fonctionner. S'il y a une torche dans la cellule, je prends la torche et je la jette sur lui. Sur Bartholoméo, sur ouais, le gars. Sur Bartholoméo. Ok. Certains commencent à regarder et disent ça prouve rien. Vous auriez pu le mettre vous-même. Tandis qu'il y en a un autre qui dit c'est étrange quand même. À quel moment j'aurais pu mettre ça? Vous, tous les gens qui ont été avec nous sont arrivés de suite, ont pris Bartholoméo, l'ont mis en cellule et nous sommes partis en urgence. À quel moment on aurait pu faire cela? Dites-le moi. Le gars que t'avais confronté, toi, Lito, qui est un jeune, enfin il a la trentaine quoi, un gars avec une tête un peu ronde, une mâchoire un peu carrée, qui lui dit arrêtez avec vos balivernes, ça prouve absolument rien du tout. Vous avez vu les marques qu'il a dans le dos? Quand on est capable de faire ça, on est capable de faire n'importe quoi. Et puis n'importe qui peut mettre de l'huile élyséenne, ça veut rien dire. C'est que des vieilles rumeurs, ces conneries. Lito, est-ce que tu peux me rappeler à quoi sert l'huile élyséenne? On peut l'utiliser à tout bout de champ, comme ça, juste quand ça vous chante, chez vous? Non, l'utilisation d'huile élyséenne, surtout dans de telles quantités pour se protéger intégralement des flammes, aurait des effets secondaires, un prix à payer. Donc, on est d'accord, je ne suis pas anabaptiste. Mais s'il y a bien une chose que j'ai compris, c'est que l'huile élyséenne est une huile sacrée. Et on ne peut pas l'utiliser comme un onguent ou une petite crème pour se faire plaisir. C'est quelque chose qui doit être utilisé avec parcimonie. Donc sans recouvrir le corps intégralement, je suis désolé de vous dire ça, mais c'est que cette personne avait peur pour sa vie. Et la seule chose qui peut faire peur, et c'est l'huile et le feu, c'est la punition divine, n'est-ce pas? Tu vois qu'ils ont l'air plus ou moins convaincus. Je vais rajouter simplement, Bartholoméo était un homme bon. Il voulait la paix pour nous, il voulait la prospérité. Cependant, il s'est fourvoyé dans ses moyens et il a décidé de sacrifier notre propre sang pour cette paix. Souvenez-vous de lui comme quelqu'un de dévoué à notre cause et non pas comme un traître. N'allez pas accuser les autres de ses propres torts. Pendant ce temps-là, du côté de la forteresse de Péripertuse, la porte toque à nouveau. Et vous entendez un gars avec une voix un peu rauque dire « Isabella, vous êtes là ?» je fais un signe de... Enfin, tu sais, de mettre le doigt sur la bouche. En regardant absolument tout le monde. Et je fais, bien sûr, signe à Jacquard de préparer le marteau en cas de... Très bien. Qu'est-ce que vous faites ensuite? La voix se répète à nouveau. Isabella? Est-ce qu'il y a d'autres issues? Le balcon, mais c'est relativement haut. Il n'y a pas, a priori, à moins de vouloir tenter une escalade très risquée. Peu de chance. Ça aurait été plus pour isoler Isabella que pour vraiment nous confier, mais histoire de la mettre hors de danger. Mais du coup, bah, je vais regarder le silence. Tout le lit, hein, mais bon. Oui, bon. Bien. Pour l'effort que c'est, je pense que fouiller le lit quand tu rentres dans une pièce, ça va si vite. Donc, tant qu'à faire, je vais juste, je pense, maintenir position. Moi, je préparais du coup mon vocodeur en cas de besoin pour que si la porte s'ouvre, pouvoir envoyer une bonne charge. Et je pense que c'est plus ou moins dans ce silence-là, en préparation de cas de problème. Vous ouvrez la porte ? Non. Non, vous ouvrez pas. Moi, je dégaine mon flingue. Je me mets pas devant la porte, mais je me dégaine deux flingues un peu de biais vers la porte. Écoutez, Isabella, vous êtes en danger. Ils sont en bas, ils sont en train d'essayer de rentrer. Vous avez besoin de nous, il faut qu'on vous protège. Je vois Isabella pour voir comment elle va. On barricade ? Pardon ? Si on barricadait. Ouais, ce serait une bonne idée de barricader. Okay, et moi je vais Isabella pour voir comment elle réagit. Tu vois qu'elle sait pas, elle a l'air aussi... Elle a aucun moyen de savoir qui est avec elle et qui est contre elle. Actuellement. Alors on garde la même posture, je pense. On se prépare. Et oui, dans ce cas, je vais aider Jacquard à barricader si besoin la porte pour. À ce moment-là, vous entendez une voix qui dit peut-être qu'elle aussi, elle a été empoisonnée. On va tenter d'enfoncer la porte. On rentre. Et vous commencez à entendre des bruits de tambourinement au niveau de la porte, justement. Vous voyez le bois qui gondole à chaque coup, tandis que le reflet de la lune commence à éclairer la pièce. À ce moment-là, vous faites tomber une armoire juste devant la porte. Au moment où elle s'éclate contre le sol, cette dernière s'ouvre, l'armoire, et renverse tout un tas pareil, de bouteilles au niveau du sol qui s'éclatent. Il y a quelqu'un ! Boum ! Boum ! À nouveau, les coups se font de plus en plus forts et de plus en plus répétés. Qu'est-ce que vous faites ? Moi, étant pas en panique, bah, je regarde les... Je demande, du coup, ce que je peux faire pour aider, pour qu'on se sorte tous et toutes dans la pièce. Donc je regarde, avec les mains implorantes, mais les mains jointes, envers du coup, mes camarades. T'as une arme ou pas ? Non, aucune arme. Un moyen de défense quelconque. Et d'ailleurs, je pense, mais vous non plus, vous avez plus d'armes, puisqu'on vous les avait retirées à l'entrée. Ah putain, mais oui, c'est vrai, je suis con, en fait, oui. Depuis tout à l'heure, je suis comme ça. j'ai mon vocodeur, c'est ce qui est une excellente. Ouais, j'ai un bras. Je vais te passer mon flingue, mais je pense que je vais garder le bras, quand même. Ouais, t'as ton bras, j'ai mon vocodeur. Finalement, c'est les bonnes personnes qui sont restées. Peut-être qu'on peut pousser des meubles ou leur jeter des vases et des choses comme ça. Est-ce qu'il y a il y a une cuisine dans le coin ? Non, la seule chose que tu vois que tu pourrais utiliser, c'est l'espadon accroché au mur. Et le verre brisé. Je dis à Noxie de récupérer une des bouteilles qui s'est cassée sur le sol. Et qu'en cas de besoin pour le corps à corps, si vraiment il y a un problème, tu pourras te défendre. D'accord, j'exécute directement. Et après la bouteille, je me recroqueville, enfin, j'enviais très amoureux en dessous. Alors qu'ils sont en train de visiblement défoncer la porte, ouais, il y a même des débuts de lames qui commencent à traverser les planches. J'ai bien monté la voix de mon vocodeur pour qu'elle soit bien puissante. Je veux vraiment qu'elle résonne. Et je vais tout simplement hurler une phrase disant que Isabella est déjà en sécurité, qu'ils aillent gérer sa sécurité ailleurs. Très bien, fais-moi un test d'intellect artefact, couplé un test de psyché domination. Si tu veux, je peux te donner directement les tests, le nombre de dés à jeter. C'est ce que j'ai toujours mis. Donc, intellect engineering, pardon, par artefact. Donc c'est 5D plus 5D, tout simplement. 2 fois 5D. Donc, 1, 2, 3, 4, oui, 4 réussites, dont 3 déclencheurs. Ce qui est très ouf. Ce qui est excellent, ce qui est vraiment excellent. Je lance le deuxième jet. 1, 2, 3, 4 réussites encore, mais un seul déclencheur pour le deuxième jet. Ok, ça fait en tout 4 déclencheurs. Ok, donc tu commences à balayer. Vous, notamment toi, Noxidi, qui n'avait jamais rencontré de chroniqueur avant, d'un seul coup, tu vois émaner de la silhouette du chroniqueur un son d'une force et d'une puissance que tu n'avais jamais connue, qui balaye complètement la pièce, passe à travers la porte qui vient de s'ouvrir à l'instant. Vous voyez ces dernières voler en éclats, quelques silhouettes d'Anabaptiste qui apparaissent et qui s'apprêtent à rentrer. Tandis que la déflagration presque du vocodeur de l'onde sonore traverse cette dernière. Ils sont poussés presque contre les murs, alors pas physiquement par la puissance de cette dernière. Mais ils sont poussés parce qu'en fait eux, ils ont un réflexe de recul qui se fait, ils se cramponnent les mains contre les oreilles et se mettent à hurler. Vous avez peut-être une demi-seconde si vous voulez en profiter pour sortir, ou alors vous restez ici à vous de voir. Qu'est-ce que vous faites ? Moi j'ai chopé l'espadon. Toi t'as chopé l'espadon. Je vais suivre le mouvement, pour le coup je veux pas initier de fuite, ouais, sachant que je veux pas mettre en danger la vie d'Isabella, ce qui est pour moi du coup le plus important objectif. Donc si personne n'initie le mouvement, du coup on garde la position actuelle qui est on sécurise cette pièce. Non, fuyez, moi je sécurise la pièce. Bah, le problème de fuir, c'est que. Bon, de toute façon, on n'a pas tant discuté, donc en fait, je pense que personne ne va bouger parce que. En fait, Isabella est sûrement pas en capacité physique là de fuir en moins d'une seconde, donc je pense rester là en position et. Vu qu'on a qu'une seconde en plus pour avancer, la seconde passe sans réagir. Pendant ce temps-là, du côté de Lito et Torik, qu'est-ce que vous faites? Je pense qu'on va... Je vais essayer de... Juste avant qu'on parte, je vais me démerder, je sais pas comment, pour récupérer un peu des sécrétions qu'il y a eu sur le... l'espèce de mixture qui s'est déposée sur son, sur son dos. Donc, on va essayer d'en récupérer. Et après, de toute façon, faut qu'on retourne... Faut qu'on retourne là-bas. Ils viennent de nous dire qu'il y avait un groupe qui était parti pour aller voir nos camarades. Je pense qu'on n'a plus rien à faire ici, Lito. Allez, retournons-y. Sur le trajet, vous entendez d'un seul coup résonner le vocodeur de Flux au loin. Tandis qu'en baissant les yeux au niveau de la queue, vous voyez des Anabaptistes, pardon, en train de s'affronter. Les uns contre les autres. Un groupe qui essaye de rentrer au niveau de Péripertus, tandis que l'autre tente de défendre les positions. Ils sont qu'une dizaine d'hommes pour l'instant. Mais malgré tout, dans toute cette cohue, il y a une espèce de mini-bataille qui vient d'éclater. Et qui semble bloquer le passage. Qu'est-ce que vous faites? Je regarde Lito, parce que là on est dans son fief, donc je suis. Techniquement, ça veut dire que... on est derrière les gars qui essayent de rentrer. C'est ça. Genre, on est un peu, on prend les gars en sandwich techniquement. Ouais, exactement. Les gars qui seraient a priori hostiles à Isabella. Ah, tu peux remarquer, Torik, ouais, qu'en effet, Lito a l'air d'être assez hésitant à l'idée de peut-être de faire couler le sang de son propre clan. Il a pas l'air d'être spécialement motivé à participer à la bataille, même s'il pense qu'il le doit. Question pour toi, MJ. Est-ce que il y a des personnes qui sont venues avec nous, des gens qui ont été peut-être convaincus par ce qu'on a dit et qui du coup se sont joints à nous pour aller là-bas ou pas? Comment ça? Tu sais, là où on était, il y avait quand même des gardes, enfin il y avait d'autres, oui. D'autres personnes. Oui. Est-ce que de ceux qu'on a un peu convaincus avec notre raisonnement, est-ce qu'il y en a qui sont venus avec nous ou on est vraiment juste partis tous les deux? Ils sont restés protéger la dépouille. Ok, d'accord. Quel intérêt. Écoute, Judelito, on peut toujours les neutraliser sans les tuer. Du moins essayer. Mais d'une façon ou d'une autre, il faut qu'on passe. On pourra pas. Et on est obligé de passer par là. À moins que tu connaisses un chemin qui nous. Enfin. Un détour, quelque chose. Non, je ne connais pas assez bien les forteresses. Il va falloir passer, en effet. Je ferai en sorte de ne pas les tuer. Pour ma part, j'essaierai de les assommer ou au moins de les désarmer pour que d'autres puissent les bloquer ou les stopper. J'acquiesce et on y va. Vous les voyez en train de se battre. Pour l'instant, c'est surtout des espadons qui les entrechoquent. Un peu de sang qui coule. Mais tous sont encore debout. Aucun cadavre en train de joncher le sol. Qu'est-ce que vous faites exactement? Ah bah moi, s'ils sont concentrés sur le combat... Donc ils ne voient peut-être pas arriver de suite dans leur dos. Moi, ce que je vais faire, c'est, avec mon dilacérateur, c'est faucher les jambes, quoi. C'est genre, pas chercher à les planter, mais à les faire chuter au sol pour qu'ils tombent et que là, on puisse leur sauter dessus pour les désarmer ou les assommer ou voilà, quoi. Les gens, essayer d'en faucher, en profiter de la surprise, de l'effet de surprise, voilà. Fais-moi un test de body melee, s'il te plaît. Moi, de mon côté, qui fait songer, dans la même idée de neutraliser plus que de tuer, en fait, je vais retirer le. Oula, j'ai tapé mon casque. Je vais retirer le pommeau de mon espadon. Et en fait, je vais frapper les gens avec, mais pas avec le couteau, du coup, qui était caché à l'intérieur, avec la partie solide du truc. Et je vais essayer, comme on arrive derrière eux, de taper à l'arrière de la tête ou un truc comme ça. Je viens de faire ma test de body brawl. Body brawl, c'est parti. 5 succès, dont, enfin 5 réussites, dont un déclencheur. Et ce sera 3 réussites, dont un déclencheur. Ok, vous commencez à les frapper, tandis que toi, de ton côté, Lito, t'arrives, t'en attrapes un par derrière. Tu lui assènes un violent coup de pommeau sur la tête. Il s'effondre au sol, inconscient. De ton côté, Toric, t'arrives à en faire tomber plusieurs, en fait, en fauchant les jambes. Et ils s'éclatent au niveau du sol. De leur côté, certains tentent de rendre les coups. Mais lorsqu'ils se retournent dans votre direction, ils se font happer, attraper les bras et les jambes par derrière. Et sont immobilisés. L'un d'entre eux, on lui plonge la tête contre le bitume. D'autres se prennent coup de pied, coup de poing jusqu'à ce qu'ils soient plus en état de se relever. La situation semble se calmer. Allez, Lito, tu vois, je te l'avais dit. On continue. Vous avancez de quelques pas. Et à ce moment-là, vous entendez une voix qui dit « Attention !» Et vous voyez l'un d'entre eux se relever. Et pointer un pistolet dans ta direction, Toric. Il a les yeux grands ouverts, il te regarde fixement, il a la main qui tremble Et là, l'arme à feu a peut-être 1m50 de ton visage. Oh ouais. Pas un pas de plus. Je me fige. Personne ne bouge. Et il commence à pointer un peu dans tous les sens. Il la réoriente toujours finalement dans ta direction, Torik. Mais il fait des mouvements autour de lui pour faire reculer les gens. Il ressemble à quoi ce gars-là? C'est genre une jeune recrue? C'est un mec avec de l'âge? C'est... Il est plutôt jeune, il a plutôt 28-29 ans. Vous l'aviez souvent vu aux côtés de Bartholoméo. Il semblait assez proche, il semblait être un de ses conseillers. Je vais rester immobile aussi, je vais dire « Écoute, petit !» C'est un complot! C'est un complot qui commence à gueuler à tout le monde. Petit, écoute-moi! Est-ce que tu as participé aux dernières années de la guerre? Il acquiesce. Tu ne penses pas qu'assez de sang a été versé aujourd'hui? Tu ne penses pas que ce qui se passe ici, cette guerre fratricide entre les deux forteresses, va amener la fin de notre culte? La guerre. La guerre, c'est Bartholoméo qui nous en défendait. Isabella, elle demande que ça, et tout le monde le sait ici. Il commence à gueuler. De plus en plus fort, sa voix résonne, les gens sont complètement perdus, tout le monde sautait autour. Avec Isabella au pouvoir, maintenant qu'elle a pu éliminer Bartholoméo, on est foutus. Rebellez-vous! Vous, au loin, vous entendez les cris et vous pouvez les apercevoir depuis le balcon. Donc là, je m'adresse à Noxidi, Jacquard et Flux. Même si vous avez de nouveau, vous, des hommes qui tentent de pénétrer à l'intérieur. Qui fait quoi? Je fais un tour de table pour tout le monde. Dites-moi tout ce que vous faites. Perso, j'avoue que je suis... Je me sens pas de faire un truc de ninja parce que là il est vraiment à côté de moi. C'est vraiment pas loin et me connaissant, c'est pas trop le truc où j'excelle le plus finalement. Donc je bouge pas et je compte vraiment sur Lito pour désamorcer la situation. Je vais le regarder, toujours le regarder dans les yeux, pas de manière provocante quoi que ce soit, et je vais dire Isabella ne contrôle plus rien, elle n'est pas en mesure de déclarer la guerre. J'ai réussi à la convaincre de s'allier au Jamaitan, d'accepter un pacte de paix durable. Si toi et tes amis vous essayez de la tuer, alors c'est la paix que vous tuez. Tu vas me faire un test d'expression. Compétence, expression. Donc charisme, expression. Compétence dans lequel tu vas avoir 3D, mais je vais t'ajouter un bonus d'autorité de 2. Ok. Ce sera 4 réussites et c'est tout. Ce qui est déjà très bien. Les gens commencent à baisser les armes. De votre côté, Flux, Jacquard et Noxidi, qu'est-ce que vous faites? De toute façon, l'objectif est simple, c'est de défendre Isabella. Donc personnellement, je vais aussi prévoir de quoi me défendre physiquement. Je vais aussi ramasser une des bouteilles éclatées au sol en cas de problème. Et je vais juste me positionner assez proche d'Isabella, en fait, sur la route, pour intervenir et toujours avoir le vocodeur prêt à jaillir en cas de problème. Moi, je propose qu'on adopte une espèce de formation assez serrée autour de Isabella. En fait, du coup, j'exécute l'ordre et moi, je vais. Celle qui est la plus en arrière et tient quand même la bouteille que j'avais pu récupérer lorsque le placard était tombé en l'ayant vraiment. Je te demande de te placer devant moi. au moment où tu me demandes ça, bah, j'arrête pas les coups. Oui, mais tu sais que je suis frêle, que je suis pas une guerrière, du coup c'est pas un peu... Devant jamais, Tan, je m'occupe de ta sécurité. D'accord. Du coup, je m'avance quoi, à petit pas devant, tout en étant pas accroupi, mais en ayant les jambes un peu fléchies, en tenant d'une main ma bouteille prête à la lancer, si besoin. Il y a, à ce moment-là, un anabaptiste qui passe sa tête et se précipite dans ta direction. Donc il plonge en fait à travers le trou dans la porte. Vous avez même pas le temps de lui demander ce qu'il fait là. Qu'est-ce que vous faites ? Vocodeur ! Moi, mon principe, c'est que je fasse des grosses vagues vraiment sur chacun qui va rentrer. Au mieux, ça les fait tituber. Au pire, ça baisse juste un peu, entre guillemets, leur ego. Donc, Vocodeur. Moi, je fais des mouvements bien larges d'épée, des bons gros coups pour bien balayer la zone et les tenir à distance. Très bien. Quitte à les blesser, hein, s'il le faut. Tu vas me faire un test. Alors, donc de ton côté, Flux 2x5D. De ton côté, Jacquard, Body Melee. Donc, tu as 6D, 7D même. Deux réussites et deux échecs. Deux réussites. On va voir ça. Oui, Flux, je viens de voir. Ok, parfait. Flux, à nouveau, tu balayes la zone avec ton vocodeur. Malheureusement, dans l'opération, même si tu arriveras à éloigner la plupart d'entre eux, la douleur étant insoutenable, même vous, tout autour, vous commencez à avoir les oreilles qui sifflent, l'un d'entre eux se jettera sur Jacquard et, dans la cohue, tentera de le désarmer en jetant son espadon au loin. Jacquard avait fait deux échecs critiques, m'avait dit. Enfin, deux têtes de mort. Ouais, et deux réussites, donc je sais pas si ça prend... Donc ouais, non, c'est un échec. Mais tu n'as pas fait plus d'échecs critiques que de réussites, donc c'est pas un vrai échec critique. T'arrives à maintenir ton arme, tu lui donnes un coup et il s'éclate à côté. Isabella vous dit, qu'est-ce qu'on fait? On reste? Ou on tente de fuir avant qu'il n'arrive d'autre? Vous êtes physiquement capable de fuir? S'il le faut. Personnellement, je pense qu'il est plutôt préférable d'attendre le retour de Lito. On peut tenir position, je pense. Vous les avez vus dehors, ils sont en train de s'entretuer. Combien de vagues est-ce qu'on va tenir avant qu'ils arrivent? Autant que nécessaire. Elle va en dire que c'est prudent. Enfin, je comprends également... Que notre cher ami ici est un peu effectivement épuisé, mais n'aurions peut-être pas nous plutôt l'opportunité, par exemple, que Flux, tu te mets plutôt en avant pour effectivement repousser grâce à ton merveilleux vocodeur, tandis que Jacquard, Isabella et moi, on commence un peu à préparer le chemin pour s'enfermer un safe, non? La fuite m'a pas l'air plus intéressante que ça, justement, ils sont en train de s'entretuer en bas. On va juste se jeter dans la gueule du loup, autant rester là où on a un peu le contrôle du terrain, et là où on peut les voir arriver. Moi, je suis pour ne pas bouger. D'accord. De votre côté, Lito et Toric, qu'est-ce que vous faites? Du coup, ils ont baissé les armes, c'est ça? Alors oui, ils ont l'air de à peu près tous se rendre. Celui avec le pistolet a juste baissé le poing. Mais vous le sentez encore un peu stressé. Vous voyez des gouttes de sueur perler sur son front. Il grince un peu des dents. Et il vous regarde avec les yeux écarquillés. Je vais tenter de reculer, mais vraiment tout doucement, genre m'éloigner. Si jamais il fait le moindre geste pour retendre le truc, je m'arrêterai, mais là, petit à petit, je vais essayer de prendre de la distance. Il te laisse reculer. Bah donc je vais essayer de me reculer le maximum possible jusqu'à ce qu'on puisse atteindre du coup l'escalier et pour pouvoir grimper. Au bout de quelques instants, en effet, tu vois qu'il... En fait, tu disparais un petit peu de son centre de vie. Il a toujours Lito droit dans les yeux. Mais toi, t'arrives à t'extirper et tu pars. Tu peux partir en courant. Moi, je commence à... Inverse. Et au bout de quelques minutes, tu te trouves au niveau de l'entrée du bastion et tu peux commencer à rentrer à l'intérieur. Bah, je commence à monter. Tu vois qu'il y a un, pareil, des assauts entre différents au courant de pensée anabaptiste. Pas de mort, mais les gens sont en train de se battre et le sang coule dans les marches des escaliers. Enfin, pas de mort, pour l'instant, tu sais pas trop. Ouais, donc du coup, si je m'avance là comme ça maintenant, je prends des risques quand même aussi. Mais avant de m'avancer, je crie « Allez Lito, viens !» Lito, qu'est-ce que tu fais, toi ? Je vais tendre la main vers le gamin. C'est pas... c'est lentement comme ça. Et je vais dire « Ça va aller, mon petit. On finit tous par perdre nos mentors. Il faut savoir avancer, comme tout soldat. » Tu vas me faire un test, un ultime test de charisme. Même, on pourrait faire charisme, autorité, quelque chose comme ça. Je pense aussi, c'est quoi, on va être assez fun, on va faire un test de foi pour changer un petit peu. Je crois que c'est gagné. Tu as 9. Alors, 4, 5, 6, 7, 8, 9, plus les 3... Ouais, bah ça fait tous les dés, en fait. Ça fait tous les dés des Genesis. C'est parti. Alors, ça me fait... 1, 2, 3, 4, 5, 6 réussites, dont un déclencheur. 7 réussites, dont un déclencheur. Contre 2 têtes de bois. Je vais opposer cela à sa défense mentale. J'ai personnellement fait 5 réussites. 2 têtes de mort. Il avait quand même de la résistance, le gars. Il avait quand même de la résistance. Il finit par tomber à genoux, essoufflé. Sans dire un mot. Je vais lentement lui prendre son arme et je vais le laisser seul avec lui-même pour qu'il sache avancer tout seul. Et je vais aller remonter les marches pour aller retrouver Torik. Et je suis maintenant armé d'un flingue. Tu vois, c'est une espèce de petit revolver rouillé. Mais qui a été un peu entretenu, un peu rafistolé, probablement par un ferrailleur des environs. C'est pas une arme très anabaptiste à la base, mais il avait dû la récupérer, tu ne sais comment, tu ne connais pas l'histoire de cette arme. Au moment où tu t'approches des marches, tu enjambes quelques cadavres. Malgré tout, certains ont perdu la vie durant l'assaut. De votre côté, je ne vous ai pas fait refaire de test, mais vous avez réussi à tenir bon. Je vais quand même vous en demander un, sinon ça peut être intéressant. Entre Efflux et Jacquard, Noxidi, je vais demander à quelqu'un de jeter des dés pour toi. Okay. Parce qu'on joue avec des dés un peu spéciaux. Vous allez me faire un test. Vous allez me faire un test. J'aimerais quelque chose qui illustre un petit peu la défense, le fait de tenir une position. On va dire body, stamina. Sachant personnellement, dans le flux, tout ça, mais pour le roleplay, je vais aller les taquiner un peu en, dans une de mes vagues de vocodeurs, en tout simplement hurler, en fait, reculer enfant du démiurge. Je vais essayer de les titiller là-dessus. Très bien. Eh bien, tu peux me jeter 4 dés. Tandis que, de ton côté, Jacquard, tu peux jeter 5 dés. Je vais dépenser demander du coup à Kim de jeter 4 dés, non 5 dés pour Noxidi. J'ai fait 3 réussites et dont un déclencheur. Ok, pas mal. Intéressant. Ok. J'ai dépensé 2 points d'ego pour lancer 6 dés. Et j'ai fait 2 réussites, mais dont 2 déclencheurs. J'ai fait 2 6. Ok. Noxidi a fait 3 réussites, dont 3 déclencheurs. Ok. Noxidi, voilà. Du coup, pour l'info, les déclencheurs, c'est un peu des réussites plus fortes. Il y a une chance sur 6 de les faire. C'est le 6, globalement. Ok. Parfait, je vois. Vous avez réussi à... Vous avez, pardon, réussi à tenir les dites positions. Quelques instants plus tard, Isabella descendra les mêmes marches. Elle s'avancera devant la foule qui l'attend devant sa forteresse. Et donnera ordre à ses gardes de les réunir. Vous autres, vous êtes un petit peu en retrait. Peuple de Pérépertuse. Peuple de Kiribus. Vous avez peut-être entendu récemment que Bartholoméo, ainsi que Orfeo l'Élyséen, sont morts. C'est vrai. Cela agit comme l'étincelle de trop entre nos divisions passées. Celle d'un peuple qui a connu une guerre contre les Djéamétanes. Un âge d'or durant lequel les Anabaptistes ont su conquérir avant de dépérir petit à petit. Les Anabaptistes qui perdent cathédrale, les Anabaptistes qui ont perdu Lucatoré et qui pourraient perdre prochainement les dites forteresses. Car nous sommes divisés. Pour de bonnes raisons. Le démiurge a envahi certains d'entre nous. Le doute. La folie. Mais il est temps de voir les choses sous un angle différent. Nous avons... depuis le haut de nos forteresses, le regard prosterné dirigé vers le sud et Hero del Sol, tandis que nous pourrions regarder vers le nord, le long du littoral. Où nous attendent certaines villes que nous avons désertées. À Toulon, ils ne sont plus qu'une dizaine. Nous devons les rejoindre. Toric, venez ici. Torik est hospitalier. Vous voyez la foule bouge bée, personne ne pipe un mot. Isabella qui est face à eux sans craindre que l'un d'entre eux ne tente de sortir une arme. N'importe qui pourrait atteindre à sa vie, à tenter à sa vie. Dites-nous comment Bartholoméo est mort. Bien, il a été tué par quelque chose qui ne devrait plus exister aujourd'hui. Du moins, mon culte, les hospitaliers, ont pensé avoir détruit cette horreur, cette immondice qui est corrompue par la morse. Des grosses sangsues qui viennent vider complètement la victime et en même temps injecter un poison qui tue littéralement à petit feu la personne. Mais elle ne devrait plus exister aujourd'hui. Je ne comprends pas comment ça a pu arriver là. Cela est l'arme du démiurge. D'après mes yeux et mes oreilles présents dans la forteresse, une telle horreur était en la possession d'Orphéo l'Élyséen. Il aura probablement attenté à la vie de son maître pour d'obscures raisons, probablement emporté par la folie. Ou peut-être avait-il été découvert. Il aura ensuite tenté de disparaître au sein même des créatures qui avaient dû lui vendre une telle chose. Mais j'ai récemment appris l'existence d'un trafic d'huile élyséenne qu'utilisaient, que s'appropriaient les membres du démiurge. J'ai fait remplacer ces huiles par d'autres huiles. Ainsi Orphéo se sera livré lui-même à la mort. En réalité, le démiurge a déjà quitté notre forteresse. Nous sommes déjà lavés. J'aimerais maintenant laisser la parole à NGM Ethan. Trop longtemps, nous avons tenté de nous en prendre à eux. Alors pour une fois, pourquoi pas, laissons la porte-parole de leur chef Ismaël nous adresser le message qu'elle est venue nous délivrer. Je m'avance petit à petit à côté du groupe d'Isabella. Je regarde en grand angle tout l'auditoire qui s'est tu devant et elle. Et juste avant que tu fasses ça, elle te saisit au bras, tu sens ses ongles se planter dans ta chair. Elle te tire presque un peu vers toi, mais ça se passe en l'espace d'une demi-seconde, où vous passez l'une contre l'autre. Et elle te dit « Je reconnais là bien les méthodes d'Ismaël, maintenant vous avez intérêt à faire bonne figure, sinon vous pourriez le regretter. Comme vous pouvez le voir, la forteresse a tenu. » Et elle te relâche instantanément en refaisant un pas en arrière. Du coup, je lui fais un regard interloqué. J'avance, j'essaie de reprendre mes esprits par rapport à cette chaîne troublante, puis je me redresse et je débute mon discours. Anabaptiste de tous horizons, je vous remercie de m'écouter en ce jour. C'est une nouvelle aube qui se lève après ces nuits de sang, après ces torrents que je viens de voir, cette primitivité et... Maintenant que le mal nous a quittés, maintenant que une nouvelle paix semble s'installer, je souhaite au nom de tout mon peuple vraiment créer un lien entre nos nations. Plutôt qu'être en guerre permanente, nous pouvons nous unir et pouvoir créer un ensemble plus large qu'il n'a jamais été. Pouvoir dépasser cette pauvreté, dépasser ce déclin qui nous attendait. Un peuple comme l'autre, et ensemble redécouvrir un nouvel âge d'or. Et je remercie grandement Isabella pour m'avoir laissé ces quelques instants. Et vraiment, au nom de tout mon peuple, j'espère que nous allons pouvoir entreprendre de grands projets ensemble. Merci. Je ne décrirai pas la réaction de la foule parce qu'elle est variée. Certains, on va peut-être les entendre huer, certains vont peut-être applaudir. D'autres vont parler entre eux, beaucoup. Au final, beaucoup de choses bougera durant cette soirée. Et durant le lendemain et le surlendemain. Durant toute cette soirée, il y a un personnage que vous aviez probablement oublié. Celui de Lilith, qui avait un peu profité de la cohue et s'en était allé dans les montagnes faire ses affaires habituelles. Mine de rien, après être revenu et après les quelques temps qu'il vous faudra pour remettre de l'ordre dans les dites forteresses, vous verrez qu'elle aura réussi à convaincre une bonne dizaine de volontaires en plus de ce que vous aviez prévu. Leur faisant vœu de bienfaiteurs, de prophètes et d'élus qui allaient revenir à la vie. Vous avez donc tout un tas d'illuminés qui vont se joindre à vous également. Accompagnés par les soldats que vous avez promis, Isabella. Qui sont constitués de tous les bords. Certains étaient pour Bartholoméo. Il y a d'ailleurs celui qui t'a pointé le fusil, enfin qui vous a pointé son arme. Qui se trouve juste avec vous. Vous avez évidemment de nombreux hommes que vous n'aviez pas prévus. Et en fait, en réalité, elle a même presque scindé les dites troupes. Presque en deux. Quasiment. Elle vous donne plusieurs centaines d'hommes. Je ne sais plus combien est-ce qu'on en avait convenu à la base. Je crois que c'était quelque chose comme une 100 ou 150. Une centaine, il me semble, je crois. Ouais, c'était ça. Elle vous en donne environ 200. De son côté, Noxidi va retourner à son culte nomade. Est-ce que vous échangez un dernier dialogue le lendemain sur les coups du midi, tandis que le reste des Jametan ont fait une petite troupe de Jametan en compagnie d'Ismaël et d'Ève que vous aviez déjà rencontrés, ont fait le trajet pour vous retrouver. Moi, je vais me diriger vers Noxidi avant qu'il parte. Et je vais lui dire écoute, on se connaît pas bien. De ce que j'ai entendu de toi, je pense que tu as l'air d'être ouverte à un réel rapprochement entre vos cultes. Maintenant, j'espère que tout ça a été sincère et que ça va vraiment arriver. Parce que je crois réellement que on fait fausse route. Tous autant que nous sommes, tous les cultes, à vouloir chercher à prendre le pas les uns sur les autres, à être plus puissants les uns que les autres, parce que la vraie menace, elle se passe ailleurs, dans l'amorce. Et si on n'arrive pas à faire fi de nos différences et de nos tensions qu'on a pu avoir par le passé, je pense qu'on est tous voués à mourir ou à disparaître. Donc, Bah, j'espère que tout ça a été sincère et que vous allez vous rabibocher et puis qu'on puisse former, comme tu l'as très bien dit d'ailleurs, quelque chose de nouveau, basé sur quelque chose de solide pour un futur meilleur. Voilà, c'est tout. Je vais laisser d'abord les autres faire leur discours ou... Moi, je pense que je vais simplement saluer Noxidi d'un mouvement de tête et je vais simplement dire... je ne pensais pas, après tant d'années, qu'un jour, peut-être, nous aurions de bonnes relations avec les Jametan. Après, c'est une bonne chose, du moins, jusqu'à la prochaine guerre. Je dis ça en rajoutant une petite pointe d'humour, un petit demi-sourire à la Ben Affleck, et puis voilà. Oui, non, moi de mon côté, je vais de la même manière que lorsqu'on s'est rencontrés, juste lui tendre la main. Mais cette fois-ci, en éteignant deux de mes yeux pour faire un petit clin d'œil temporaire. Un signe de tête suivira. Du coup, à nouveau, donc je regarde tout d'abord droit dans l'œil Lux. Je retire savamment mon gant de velours, laissant apparaître une main tout à fait livide, mais je tends ensuite à prendre du coup la main de Flux et à serrer avec fermeté et confiance. Puis ensuite je me retourne vers les deux autres acolytes et en les regardant, je porte tout le poids. Je porte tout le poids des attentes qui m'ont été offertes, qui m'ont été partagées, et je apporte que, quel que nous soyons anabaptistes, que nous soyons Jametans ou même d'autres horizons, tous les chemins mènent à Perpignan, et ensemble, nous allons être aptes à vaincre les éventuelles formes d'adversité pour former vraiment une alliance. Et comme il était évoqué, certes, des guerres potentielles sont à venir, mais en ayant libéré ces derniers jours, un peu la terreur de Pandore, nous avons malgré tout l'espoir qui nous reste. Et en vous quittant, en du coup faisant un signe de la main, en disparaissant dans le décor, je m'acclame. Ah, bientôt! Ah. Vous allez ensuite dire au revoir aux imposantes silhouettes des forteresses. Quel a été le plan convenu? Vous partez juste avec les troupes en laissant Isabella sur place, j'imagine? Là, finalement, Lito, il devient le second, si j'ai bien compris, d'Isabella, non? C'est ce que Lito avait proposé, mais peut-être que non, mais voilà. Est-ce que ça me paraît. Comme dit, la nouvelle politique a priori sera d'éviter de diviser les deux forteresses en deux pouvoirs un peu distincts. Et plus de réunir ça sous un seul joug, en tout cas. Mais dans l'idée, ça pourrait être le plan. Oui. Du coup, Enfin, je sais pas, qu'est-ce qu'on a à faire d'autre? On n'a plus rien à faire ici. On peut aller retrouver le bateau, enfin pour ramener tous les hommes. Je crois que le bateau est parti. Ah non, le bateau, il est parti directement à Toulon, non, c'est ça? Je sais plus. Où il est parti? On avait dit qu'il devait revenir, mais avec quasiment personne dessus. Là, il y a quasiment personne dessus, ouais, en effet. Ouais, ils étaient quoi, une quinzaine ou une trentaine, je sais plus combien on avait d'hommes avec nous quand on est parti là-bas. Ouais. Ok. Du coup, s'ils viennent nous chercher, on fait allez, viens aider les potes. Je sais pas. C'est ça. Très bien. Vous vous déplacez jusqu'à Perpignan, emmenant vos troupes avec vous. Pour aller retrouver les 10 bateaux. Avec vous se trouve vous devez le recruter, vous faites un petit peu connaissance avec eux. Certains d'entre eux vous posent des questions. Mais où est-ce qu'on va dormir? La sacristie rouge, j'y suis passé une fois, c'est minuscule. L'orphelinat, il n'y aurait pas de la place là-bas? J'avoue. Oui. Ensuite, vous apercevez la silhouette du bateau. Sur les voiles, enfin accroché aux voiles, a été suspendu un drapeau représentant un symbole de croix brisée. Vous embarquez à son bord et vous commencez à emprunter les flots. Alors, j'aimerais juste dire que du coup, oui. Lito, du coup, bah, il va rester. Il va pas monter dans le bateau. Il doit. Du coup. Il va partir. Donc, je pense juste, en fait, au moment où tout le monde est en train d'embarquer, juste, Lito va simplement faire ses adieux à un peu toute l'équipe. C'est pas quelqu'un qui fait de grands discours. Quoi que ce soit, il va simplement. Je pense qu'avec Torik, il va aller lui serrer. Enfin, il va serrer la main à tout le monde en réalité. Parce qu'au final, c'est quelqu'un de bien. Et il va simplement dire. J'espère bien vous revoir un jour, mes amis. J'avoue que la première fois où nous sommes rencontrés, j'avais des a priori sur vous. Mais j'ai appris à reconnaître vos capacités et votre bonne volonté. Ouais. J'étais pour ma part un peu surpris de voir une telle différence entre toi et Mokosh. Je m'attendais à ce que son mentor soit un peu plus Mokosh, quoi. Mais finalement, je me rends compte que vous êtes totalement différent. Mais voilà, mais sache que j'ai encore la foi et je pense que la prochaine fois qu'on se verra, Mokosh sera parmi nous. Mais je te dirai bien que je l'espère. Il faut garder la foi. Et parlant de ça, d'ailleurs, je vais me tourner du coup vers Lilith. Qui est dire... sur le bas-côté, assis sur la dernière caisse qui attendait à être chargée. Je vais me tourner vers Lilith et je vais simplement lui dire... Je ne te ferai pas l'insulte de te donner l'ordre de rester avec moi. Je te laisse simplement le choix. Tu peux rejoindre les forteresses, apprendre à être une véritable anabaptiste, laisser le passé derrière toi peut-être. Ou si tu veux suivre les espoirs de Torik, le choix revient à toi. Tu vois qu'elle hésite, elle hésite sincèrement. Elle semble quand même pas mal avoir évolué sur certains points. Il y a des mécanismes psychologiques qui se sont enclenchés dû à certains événements récents, certaines discussions. Elle conclura simplement par dire la proposition est tentante, mais je pense que je vais y aller. Je n'ai pas été là pour Mokosh, au contraire, au moment où elle en avait besoin, et je ne sais pas comment formuler ça, mais je veux en retour donner de ma personne pour lorsqu'on sera arrivé là-bas à nouveau. Que ce soit pour l'aider ou que ce soit pour la remplacer. Et puis j'ai promis à une bonne dizaine de gaillards qu'un messie allait nous attendre. Alors... J'espère qu'il sera là. J'espère pour toi. Puis de toute façon, tu as d'autres tâches. Ouais. Ouais, mais du coup, je vais juste poser ma main sur la tête de Lilith, lui foutre les cheveux en l'air comme ça et les laisser monter dans le bateau, les regarder partir au bord de l'eau. Un peu derrière, en contre-eau, vous avez à contre-jour la silhouette d'Isabella qui se tient fièrement sur un cheval accompagnée du reste de ses hommes. Elle vous adressera également un au revoir, un signe peut-être plus militaire, moins humain. Elle vous aura pas fait de grands discours, vous, même si ça l'aurait probablement mérité, mais c'est pas trop son genre de dire merci les amis, non. Juste elle vous regarde avec respect. Elle vous envoie les hommes qu'elle vous avait promis. Et s'occupera en tout cas de créer un lien entre les forteresses et Toulon. Que ce soit par le bateau ou par la marche, vous allez pouvoir vous échanger des fournitures, des informations, ce genre de choses. À ce moment-là, donc, vraiment, le bateau s'apprête à partir. Les voiles sont hissées. Le bruit des vagues qui s'entrechoquent et qui s'éclatent contre la coque se fait entendre. On entend aussi tout le bruit des nœuds marins et des cordages. Et la silhouette de Perpignan disparaît au fur et à mesure au loin. À bord, personne ne sait vraiment quoi faire. On vous a fourni différentes provisions et autres affaires, voilà, fournitures de première nécessité. Au bout d'un certain temps, vous finirez par apercevoir au loin un rivage qui vous semble très familier. Celui de Toulon. Vous voyez voler à quelques mètres au-dessus du sol des caisses faisant des allers-retours entre les différents quartiers. Vous voyez les fléaux au niveau du quai de Cour Argent. Vous entendez le bruit des machines en provenance des ferraillis. Vous voyez un misérable sur la digue au loin de Saint-Chenil, hésitant à se jeter dans le vide et à rejoindre d'autres avant lui, avant de se résigner. Vous apercevez la silhouette de l'orphelinat en haut de la grande colline. Vous voyez les quelques vitraux rougeâtres renvoyer une lumière de la même teinte au niveau des flots de Port-Lagagne et de la sacristie rouge. Vous êtes arrivé à bon port. Du temps s'est écoulé depuis que vous êtes parti, plusieurs semaines. Plusieurs longues semaines. Et il s'en est passé des choses depuis ce temps-là. Et il va s'en passer des choses très prochainement. Tandis que vous déchargez vos affaires au niveau de Cour Argent et que vous revoyez les silhouettes amicales de Dobby et de quelques gaillards avec qui vous avez pu avoir l'habitude de commercer, toute la ville s'agite. En effet, loin, dissimulé dans les ombres, les différents juges noirs commencent à sortir leur tête et à observer la ville, se demandant comment est-ce qu'ils vont faire pour la prendre. Le tout accompagné par la chroniqueuse Mirage. De l'autre côté de la baie, bien plus loin au niveau des forteresses, Noxidie a rejoint, elle, ses troupes de nomades qui probablement vont bouger vers un autre point. Peut-être pas tous, mais certains en tout cas. Également, les hommes de Hamza qui s'affairent, apprenant votre arrivée, et souhaitent vous confronter. D'autres venues, plus étonnantes, se feront entendre. Quelques rumeurs, notamment celle d'un nouvel arrivant en ville. Un certain Eisenhower, un colosse qui aurait rencontré le chef des Frères de l'Acier et qui aurait eu des trucs à lui vendre. En bref, la ville s'active, de nouveaux personnages la rejoignent. Un serpent continuera de se dissimuler dans les ombres de cette dernière, maintenant qu'il a été mis à découvert. Nous ignorons son prochain plan, mais en guise de cadeau de bienvenue, vous verrez déambuler dans les ruelles de la ville une silhouette maigrelette, blanche, blafarde, en tenue d'apparat, presque de rituel, de nubien, on sait pas trop, s'arrête juste devant la sacristie. Une mocoche, armée de son espadon, et qui, pour la forme, aura dû cacher son visage derrière un masque d'Anubis que lui aura conféré notre cher Bayou.